Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Comment ça va messieurs depuis hier? Ça va toujours. Très très bien. Alors parce que, pourquoi je vous demande si ça va depuis hier? Puisqu'on réenregistre cet épisode, voilà, je donne les coulisses hein, de Fin du Game, puisqu'on a eu une petite couillette, comme on dit, dans la, c'est quoi, pendant l'exportation, pendant l'enregistrement. Ouais, non, y a on ne sait pas. Petite erreur au niveau de l'enregistrement. Ça arrive, donc voilà, on a dit ok, on a encore le temps pour que ça puisse sortir le jour J, donc hop, on s'est vite réunis. De toute façon, c'est Maxime qui fait le montage. Hein, ouais, tout, on voilà, hein, voilà. Le crunch, après tout. Ce sera voilà, le petit employé qui fera le travail. Alors, on remercie nos patriotes, tous les gens qui nous ont rejoints sur Patreon pendant le mois de janvier. On a eu vraiment, encore une fois, beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont rejoints et ça fait hyper plaisir parce que bah, même si on peut promettre la régularité pour l'épisode, ça c'était vraiment le premier palier qu'on avait essayé d'établir. C'est vrai que là, on s'approche du second palier qui, lui, pourrait nous garantir un peu plus de sérénité, garantir un peu la pérennité de l'émission, se dire que dans un an, elle peut encore être viable dans nos vies quotidiennes. On dirait des packages d'assurance voiture, c'est ça. Régularité, pérennité, sérénité. Oui, les trucs pour pas que tu payes la franchise. Ouais. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et c'est... à 2 500 $ par épisode, c'est éternité. Tu vois, c'est... ah ben là, quoique, on sait pas. On prend l'argent, on se barre, tu vois, aux Bahamas. Ah bah non. On continue. Ah bah bien sûr, on est sérieux. Non mais voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà, c'est assez précieux dans ce petit milieu dans lequel on vit de pouvoir se projeter et être un petit peu plus serein, se dire que ce qu'on fait, ça nous permet de vivre nos vies à peu près décemment. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. On remercie également Third Edition et on a de la chance parce que hier on ne savait pas quelle était leur annonce et là aujourd'hui bah, on se rend compte qu'ils ont annoncé donc un livre sur Peter Molyneux, donc le créateur de Fable hein, notamment, c'est pour ça qu'il est le plus connu, mais je crois qu'il avait fait d'autres licences iconiques. Bah, il a inventé le God Game avec Populous et quand il était dans le studio Bullfrog à l'époque, hein. Il avait fait Dungeon Keeper également, il a fait Black and White, il a fait beaucoup de choses, il a promis beaucoup de choses. Il en a tenu très peu. C'est vrai que faire une Molyneux, c'était à une époque. Ça se dit encore. Ouais, c'est vrai. Non, je crois que ça se dit plus. Ça se dit plus maintenant. Mais plus oui, à une époque, c'était un petit peu dans le jargon comme ça. Mais voilà, c'est vrai que ça va être intéressant de revenir sur la carrière et sur ce que ce gars-là il a pu apporter. Donc voilà, merci à Third Edition qui sponsorise Fin du Game comme à chaque fois. Donc voilà, merci de leur confiance. Et puis, eh bien nous, on se retrouve cette fois-ci pour parler de The Walking Dead saison 1. Je précise, hein, on va simplement parler de la saison 1. Alors peut-être qu'on étendra un petit peu la réflexion à ce qui s'est passé après chez Telltale ou dans les autres épisodes. On verra, mais on va se concentrer sur la narration, le rythme. Bref, ce qu'on va vous spoiler concrètement, ce sera l'épisode 1 de cette série. Maxime va nous envoyer une petite musique tirée du jeu et puis on va pouvoir repartir pour un nouvel épisode. The Walking Dead saison 1, le premier épisode était sorti le 24 avril 2012, le dernier, le cinquième, était sorti fin novembre, il me semble. Je crois qu'il y avait à peu près 2 mois entre chaque épisode. C'est ce qui est écrit sur l'affiche. Hein, donc. c'est ce qu'on a écrit sur la petite fichette, donc normalement, je suis dans les clous. Ça a été créé par Telltale Games. Telltale Games qui a été un studio fondé en 2004 par des anciens de LucasArts. LucasArts, qui c'est ces gens, LucasArts? Et ben, c'est des gens qui, autour de Star Wars, ce petit épiphénomène, hein, ce petit truc éphémère qui a juste déterminé toute la pop culture de ces 40 dernières années, ils se sont dit un jour, on va faire des jeux vidéo. Et donc, en plus de faire des jeux Star Wars, hein, puisque du coup, bah, ils étaient responsables de tous les vieux jeux Star Wars, les Dark Forces, les X-Wing versus TIE Fighter et tous ces jeux incroyables, ils faisaient aussi du point and click. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment... ils ont dominé le game, comme on dit, du point and click dans les années 80-90 avec Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Monkey Island. Puis après, ils sont passés à la 3D avec Grim Fandango, que tu as découvert il y a peu. Oui, c'est vrai. J'ai essayé d'y jouer. J'ai tenu quelques heures et puis j'ai compris que je n'étais pas un assez vrai gamer pour pouvoir survivre à ce genre de jeu. Alors bon, puisqu'on est là-dedans, c'est vrai que à l'époque où Telltale va être fondé, le point and click, là, il est quand même en perte de vitesse parce que pendant les années 80-90, ok, il dominait le game, mais il y a eu un essoufflement et Grim Fandango, c'est un peu le dernier représentant de l'âge d'or du point and click, quoi. Ouais, il y a eu un peu de trucs, je pense, qu'on poussait à ce départ. Donc, comme tu le dis, il y a cet essoufflement des point and click. Parce que, bon, pouvoir se balader en 3D, hein, c'est sympa, mais ça révolutionne pas non plus le genre. Parce que ce qui était un petit peu montré du doigt, c'est que c'était d'un point de vue game design un petit peu toujours les mêmes choses. Les énigmes étaient toujours un petit peu tarabiscotées. Et alors, oui, ça peut. Ça va bien avec un univers un petit peu loufoque décalé, mais quand on bouffe pendant 10, 15 ans plus, c'est un petit peu... On se disait, à titre comparatif, tu regardes, je sais pas, le FPS dans les années 90, t'as eu Doom, Quake et Half-Life, par exemple. Donc en termes d'évolution, il y a quand même des pas de géants qui sont faits en face. T'as des consoles qui sont de plus en plus présentes avec des licences aussi, je sais pas, Resident Evil, Tomb Raider, enfin voilà, des choses qui débarquent dans les années 90. Donc bref, le point and click, il est un petit peu en grosse perte de vitesse. Et LucasArts aussi, bah, comme tu disais, avec Star Wars, ils se sont fait beaucoup d'argent, et donc ils se sont dit à un moment, bah, on va se faire encore plus d'argent, oui, avec encore plus de Star Wars. Fin des années 90, c'est la nouvelle prélogie, hein, avec les origines d'Anakin Skywalker, Dark Maul, tout ça. Et du coup, bah, ils se sont remis en mode, ça y est, on va sortir des jeux vraiment estampillés Star Wars. Et bah, le personnel de LucasArts qui voulait continuer à faire des point and click, bah, y en a une partie qui s'est barrée, et du coup, ils ont fondé Telltale pour relancer la machine, faire du point and click comme ils savaient le faire, quoi. Sachant qu'il y a les gens qui ont fondé Telltale, mais il y avait aussi parmi les gens de chez LucasArts pas mal de noms très connus, hein, parce qu'il y avait Ron Gilbert, donc ouais, qui est revenu sûr, très ouais. récemment avec Thimbleweed Park, ouais. qui est vraiment un point and click à l'ancienne, hein, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y a un certain Tim Schafer qui était parti fonder Double Fine, qu'on connaît aussi très bien là-dessus. C'est les gens, vous voyez, les 15 premières secondes, quand vous entendiez le du début de Monkey Island, c'était leur nom que vous voyez apparaître. Ouais, ouais. Et bah, à l'époque, ils étaient jeunes, maintenant, ils sont un peu plus grisonnants, mais bah, ils sont toujours un peu présents. Et les gens de Telltale, ben, ils ont voulu en fait créer un studio pour continuer de proposer du point and click et d'essayer peut-être de trouver une manière de faire évoluer la formule. Parce que comme tu le disais Max, la 3D ça a apporté beaucoup de choses et surtout dans les années 90, le jeu a eu une première, on va dire, découverte, c'est qu'on pouvait raconter des histoires autrement qu'avec des jeux d'aventure. Ouais. Parce qu'avant c'était vraiment très codifié, hein. Le jeu d'aventure c'était de l'histoire, zéro gameplay et à côté il y avait pam pam boum boum. Et un jour il y a Half-Life qui est arrivé et qui a dit pam pam boum boum. Avec de l'histoire. Incroyable. Donc là, évidemment, tout le monde était là, mais c'est pas possible, c'est interdit. Non, blague à part. La 3D, ça a transformé les choses. Le fait que les jeux vidéo se mettent à raconter des histoires autrement que dans du point and click, ça a forcément rendu pas caduque, mais ça a fait de la concurrence, ça a fait de l'ombre à tout ça. Et du coup, bah, il fallait réinventer un peu ce procédé narratif, sachant que bon, le point and click en tant que tel, il existe toujours. Hein. Il y a toujours des jeux indés, ça reste un truc de niche. Vous avez toutes les séries des comment il s'appelle Blackwell, tous les jeux What Jedi qui sortent régulièrement. Vous aviez eu les jeux chez Runaway, là, Pendulo Studio qui avait fait Black Sad récemment. Bref. Ça là, reste y a, existant. Il y a quelques jours, qui est sorti, il y a The Blind Prophet, hein, oui. qui est un jeu lyonnais, je crois, ouais. donc, qui vraiment aussi se réclame de cet héritage point and click. Il y avait eu Dropsy aussi. Ah oui, avec l'espèce de clown complètement déprimé. Là. Infâme, oui, effectivement. Infâme, oui. Non, parce que justement, il faisait un peu peur aux gens parce qu'il avait ce visage particulier. Mais enfin, bref, effectivement, c'est toujours un genre de niche. C'est redevenu un peu un genre de niche. Il y a eu une explosion un peu telle. Mais telle, ils ont mis quand même un petit peu de temps avant de vraiment trouver le succès. Parce qu'ils ont commencé, donc on l'a dit, en 2004, et The Walking Dead, ça ne sort pas avant 2012, et avant, il y a toute une période Bah de vivotage un petit peu. Ils ont toujours travaillé quasiment avec des franchises, quasiment qu'avec des franchises. Il y a eu quoi ? Il y a eu les experts. Ils ont fait beaucoup de jeux. Ils ont fait 6 ou 7 jeux, les experts. Ouais, très très drôle ça. J'en ai jamais vu un seul. Enfin, je les voyais, tu vois, dans mon inventaire. J'ai vu les images aussi. Quand j'étais Micromania, mais j'ai jamais joué, donc je sais pas du tout ce que ça valait. T'as jamais voulu incarner Horatio Kane ou Grayson ? Jamais, ça t'a mais moi, j'ai déjà des lunettes, donc tu vois, je peux pas. Je peux pas. Le geste avec les lunettes de soleil, je peux pas faire. Je me fais mal à chaque fois. Les punchlines d'Horatio. Il y a eu aussi des jeux Retour vers le futur, il y a eu Sam & Max, il y avait eu Monkey Island également. Alors bon, la qualité était toujours un peu discutable, et c'est vrai qu'ils ont mis du temps avant de trouver cette fameuse formule dont on va parler dans toute l'émission. Il y a eu Jurassic Park aussi, qui je pense est important en tout cas pour leur histoire, parce que ça a été un gros four, ça n'a vraiment pas fonctionné malgré la popularité quand même. Voilà, Jurassic Park c'est quand même une licence très connue, mais il y avait déjà les prémices un petit peu de ce qu'on va retrouver dans The Walking Dead, puisqu'il y avait déjà beaucoup de QTE. Hein, je crois que Maxime avait regardé une petite séquence de chasse-taupe à base de dinosaures. Hein, c'est comme ça que tu l'avais qualifié. J'allais dire un T-Rex qui joue à chasse-taupe avec nous, où il essaie de nous mordre, il faut esquiver à gauche ou à droite, et il mord dans le vide du coup. Bon, c'était pas encore tout à fait intéressant, mais voilà, il y avait déjà les prémices, et puis surtout les fameux dialogues avec 4 choix. Ça, c'est vraiment ce qui fera l'identité de Telltale après, et notamment avec Walking Dead qui a explosé en 2012. C'est assez intéressant d'ailleurs la relation qu'ils ont avec la franchise, parce que au moment où ils se lancent dans le développement de The Walking Dead, The Walking Dead c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est simplement le comics. La série elle était en préparation, et je crois qu'ils étaient au courant. Je sais pas, mais j'imagine, comme ils étaient en contact avec Kirkman, si j'ai pas de bêtises, qui est le créateur de la série, lui a priori il était au courant. Et j'imagine c'est le genre d'infos que tu balances comme ça. Après t'as la jurisprudence The Witcher, le type limite il savait pas du tout ce qui se passait dans une série. Hein. Il y a des auteurs, ils en ont rien à cirer. Hein. Ouais, bon là quand même c'était, travaillé quand même en collaboration un peu plus étroite. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand ils commencent le jeu, la série ça n'a pas non plus explosé, donc ça n'a pas non plus la popularité que ça. Par contre, quand le jeu sort en 2012, là on est à la saison 3, et là on est vraiment à un moment où The Walking Dead, je pense avec Game of Thrones, c'est les deux séries les plus les grosses séries des années 2010, quoi, tu vois, début des années 2010. Depuis le fameux The Wire, les Sopranos, le Shield et tout, qui ont un peu relancé la machine des séries en les faisant passer dans l'ère moderne. Il y a eu Breaking Bad évidemment aussi, qui a vraiment marqué le truc. Et par contre, c'est vrai que dans le côté ultra populaire, t'avais d'un côté Game of Thrones, de l'autre côté Walking Dead, et on en entendait tout le temps parler, hein. Enfin tu vois, le on AMC de Walking Dead, tu vois, ça, rien que d'entendre ça je sais ce qui va se passer derrière, quoi. Ouais, et pour recontextualiser, Netflix est arrivé en France en 2013, donc on est vraiment dans une période où les séries cartonnent, et là on a un jeu qui se fait, on en parlera peut-être plus en détail après, mais au format épisodique. Ouais, tout à fait. En plus, donc on a vraiment là un jeu qui accompagne une série, quoi. Sachant que c'est pas le premier jeu à faire ça, hein. Telltale avait déjà proposé des épisodes pour les Sam & Max, pour les Retours vers le futur, mais c'était des jeux qui étaient littéralement des point and click avec juste un moteur graphique un peu amélioré. Et du coup, d'ailleurs, dans le cas de Sam & Max, tu parlais tout à l'heure, Hugo, des mécaniques un petit peu loufoques. Et c'est vrai que Sam & Max, tu vois, c'était vraiment l'exemple type d'une série qui ne veut rien dire, hein, parce que c'est complètement stupide. Tout ce qui s'y passe, c'est complètement absurde, c'est fait exprès. Et tu fais toujours des actions qui n'ont aucun lien entre elles. Tu vas prendre une lunette de toilette, tu vas la mélanger avec une crevette qui passait par là, et ça va donner, des chocs à pic, tu vois. Ouais, c'est vraiment très, pas de sens. Hein. Très hétéroclite, moi, dans Grim Fandango, ça m'a surpris vraiment à quel point c'était perché, quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, on va quand même y aller, je devrais pouvoir faire le lien entre. Non, vraiment, au bout de 2-3 heures, tu fais des énigmes qui n'ont pas de sens. Tu es en train de souffler dans un ballon pour bloquer le tube. Oui, et t'as ça. À un moment, il faut prendre un panneau de signalisation pour l'emmener quelque part, et ça t'ouvre une porte. Enfin, j'étais là, très bien. Donc. Tu n'étais pas prêt. Non. Pour info, j'ai feuilleté un peu le bouquin Third Edition sur Monkey Island, parce qu'il y a des petites parties sur Telltale, et je voulais voir un petit peu ce qu'il en disait, et il parle justement un peu de la fin de l'âge d'or des point and click, et il y avait des personnes un peu début, je crois, des années 2000 qui devaient un petit peu se plaindre du fait que, un peu en mode, maintenant les jeunes ils jouent qu'à ceci, qu'à cela, alors que nous on jouait à des vrais jeux, les point and click, souvenez-vous. Et vrais boomers. Ouais, c'est ça, j'ai oublié le nom qui était le gars, mais t'as quelqu'un qui a répondu à ça qui était un petit peu connu, et il a juste mis genre une soluce, tu vois, de point and click qui était, donc comme vous le disiez, un peu complètement ridicule, et il disait non, mais il s'est bien bien suicider le point and click, t'en fais pas pour lui. Quoi. C'est vrai que c'est un genre, je pense, qui était vraiment très, très complexe et en fait à la fois très facile d'accès, parce que c'est très facile à en prendre en main, tout le monde peut y jouer, mais en même temps qui peut être très très frustrant parce qu'il faut deviner la blague concrètement. Hein, les jeux un peu LucasArts, notamment Sim Schaefer, c'est vraiment, faut deviner la blague. Et bah, c'est vrai qu'il y a un espèce de mécanisme humoristique qui est fin, qui est assez intéressant parce que c'est un puzzle qui devient une blague. Enfin, c'est super intéressant en termes de proposition et de narration, mais voilà, tu peux patauger pas mal de temps et dedans. Puis, quoi. On avait une autre temporalité quand même, ouais, avec les jeux vidéo, parce que c'est avant vraiment la démocratisation d'Internet. Et tu vois, mes parents, ils ont pu jouer à du, je sais pas, Indiana Jones et Fate of Atlantis ou du Monkey Island, des trucs comme ça. Bah, parfois, il s'écoulait des mois entre le moment où t'étais bloqué, le moment où t'avances, et c'était normal. Oui, alors qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus prêt. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas prêt à accepter ça dans la pléthore d'offres que j'ai de jeux. Il n'y a aucun jeu qui peut être assez bon pour me dire non, tu as resté bloqué 2 mois, tu joues à rien d'autre, et après tu reviens. Ouais, c'est surtout qu'il y avait aussi des contraintes techniques, ouais, bêtes, comme tu as cliqué sur le mauvais pixel et tu avais un timer, et donc tu es obligé de recharger ta sauvegarde et de recommencer jusqu'à ce que tu aies cliqué le bon truc. Donc, des fois, il y avait des moments un peu chelous, tu avais des bugs bloquants. Justement, je parlais d'Indiana Jones et de Fates of the Atlantis, qui est un excellent jeu, hein, que je vous recommande, qui est le vrai Indiana Jones 4. Et en fait, à la fin du prologue, hein, tu pouvais faire le choix avec le personnage secondaire de partir dans 3 directions différentes, hein, oui, pour avoir vrai, 3 vrai. Jeux complètement différents. Mais si tu ne faisais pas dans un certain ordre les actions, ça te bloquait ta sauvegarde et t'étais obligé de te retaper tout le prologue qui durait à peu près une heure et demie. D'accord. Donc voilà, moi à l'époque, je faisais ces jeux-là, bon, vu que c'était en anglais, avec une soluce sur les genoux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon frangin avait fait une espèce de post-it. Tu vois les écrans de Monkey Island avec tous les verbes, il avait fait un post-it qui collait en bas à gauche de mon écran avec le verbe en français à la place, et moi je mettais ma souris du coup comme ça. Ben bref, c'était assez compliqué, et du coup, ouais, sans Solus, c'était des jeux, moi, que je pouvais pas finir. J'adorais ça, tu vois, j'en ai vraiment des très bons souvenirs, mais c'est des jeux que j'ai jamais terminé tout seul. Alors, du coup, on va revenir un petit peu à Telltale et The Walking Dead. Et ce qui est intéressant, c'est, bon, d'un côté, il y a cette franchise très très populaire. Ils ont eu le nez creux, hein. Je pense que ça, il y a vraiment un alignement des planètes, parce que du coup, ils ont choisi la bonne franchise qui allait fonctionner au bon moment. Mais aussi, ils ont fait le choix justement de se passer un petit peu de toutes ces mécaniques très très compliquées, tous ces puzzles très hétéroclites, pour justement se focaliser beaucoup plus sur la narration et les choix. On y reviendra évidemment un petit peu après qu'on ait fait le tour de l'histoire, mais il y a eu vraiment cette décision de se passer justement de tout cet héritage point and click, de garder quelques fondements, mais vraiment de se débarrasser de tout ça, de toute cette complexité. Quoi. C'est important d'insister là-dessus, parce que du point de vue de Telltale, il ne s'est pas écoulé tant de temps que ça entre leur remake de Monkey Island et The Walking Dead. Tu sens qu'ils avaient vraiment une approche point and click de la licence. Et progressivement, on voit vraiment dans la saison 1 que cet aspect, il disparaît pas complètement. Il y a toujours un peu un inventaire des objets qu'on trouve, mais c'est quelque chose qu'on aura beaucoup moins. Et en plus de ça, dans les autres opus de la licence, là, tu sens que c'est pas ce qu'ils ont gardé, en fait. C'est pas ce qui faisait le succès de la série. Ils l'ont enlevé progressivement. Ouais, ils ont affiné en fait leur formule, et ils se sont vraiment concentrés sur la narration, la mise en scène, et du coup, en s'appuyant sur toutes les bases posées par la série télé notamment. Et bah, c'est ça qui va donner notamment le succès du jeu, en fait. Ouais, hein. Totalement, parce que alors là, quand le jeu sort, c'est vraiment un gros gros gros succès critique, alors comme on le disait, un Jurassic Park avant, il s'était vraiment, c'était pris des tôles, et là quand il sort, c'est à la fois vraiment des très très bons retours. Alors moi, j'ai pas trop les souvenirs, hein, un petit peu de ce moment là quand c'est sorti, mais je crois qu'il y avait quand même un gros buzz quand même qu'entourait ce jeu. Ouais, bah, moi j'avais lu l'époque le test de Chocapic sur Gamekult, il lui avait mis 9, tu vois, quand ouais. même, c'est donc la note max, hein, chez eux, et puis c'est Chocapic, donc il avait quand même la réputation d'être très très dur avec les jeux, et vraiment tu lisais son test et c'était dithyrambique, quoi. C'est à dire que pour lui, il y avait un avant, un après, c'était vraiment une grosse révélation en termes de, à la fois de narration, mais également d'engagement émotionnel, hein. C'est un truc qui ressortait beaucoup dans les tests, l'importance des choix, le fait que tu t'accroches vraiment, tu t'attaches à tous ces personnages-là, et le fait que tes choix ont des conséquences. Alors on y reviendra, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'était ça qui était mis en avant dans les tests, et du coup, à la fois d'une manière critique, ça a très bien marché, et d'un point de vue commercial, c'est très rapidement des chiffres qui se calculent en millions d'exemplaires de pilotes. Enfin, du coup, c'est distribué même de manière numérique, en dizaines de millions, en dizaines de millions, ouais, même, hein. Ouais, donc c'est un succès incroyable dès pour Telltale. Ouais, dès le premier épisode, ouais. ça cartonne vraiment. Bon, voilà, il y a ils avaient la vague The Walking Dead, donc vraiment le nom à coller sur lequel ils pouvaient surfer, mais en plus derrière, le jeu a vraiment profité d'un bouche à oreille instantané, et ça s'est très très très très bien vendu. En tout cas, toute cette première saison, c'est vraiment des gros gros chiffres, quoi. Ce qui est assez rigolo, c'est que moi, par exemple, tu vois, je ne m'en souviens absolument pas, parce que comme c'était de la vente uniquement numérique, ça ne me concernait pas. Tu vois, moi j'étais encore en magasin, donc c'était quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, et c'était juste en regardant les sites de jeux vidéo, en me disant mais c'est quoi ce truc The Walking Dead, je l'ai pas moi, tu vois, je regardais mon catalogue, non je peux pas le commander ce jeu. Et quand enfin plus tard c'est arrivé, j'aurais pu le prendre. Mais pour la petite histoire, moi j'ai fait le jeu il y a quelques semaines à peine, et bah, du coup c'était une bonne surprise. Et ben, on va pouvoir enchaîner justement, bah, comme d'habitude, sur l'histoire du jeu. Alors, on l'a déjà dit, hein, c'est The Walking Dead, donc évidemment, si vous êtes un petit peu familier de la série, vous serez pas perdu, hein. C'est toujours un petit groupuscule de personnes qui vont tenter de survivre au milieu de hordes de zombies, mais il faut pas dire zombies, c'est des walkers, c'est attention. Walkers. Hein, c'est des walkers, donc il faut pas le dire. Qui vont essayer de les bouffer, mais finalement, ce ne sera qu'un problème anecdotique face à tout le vice humain qui se retrouvera au cœur des problèmes, les jalousies, les envies, voilà. Est-ce que l'humain n'est pas le monstre plutôt que le zombie? Voilà. C'est dans ces cas-là où je me dis, si on avait une caméra, les gens ils pourraient voir tes mouvements de sourcils, c'est vraiment incroyable. Exagéré, il se passe des choses sur ton visage. La narration à la Pierre Belmar. Mais du coup, on va suivre un personnage principal qui s'appelle Lee. Il débute le jeu à l'arrière d'une fourgonnette de police, puisqu'il s'est fait arrêter pour meurtre. Et puis forcément, à ce moment-là, bim, c'est l'apocalypse zombie. Il va pouvoir se sortir de cette bagnole. Il va tomber sur une maison abandonnée, ou presque, puisqu'en fait, il y a une petite fille qui est dans la cabane de la maison, qui s'appelle Clémentine, qu'on va accompagner tout au long du jeu, et il va prendre donc cette petite fille sous son aile, et de fil en aiguille, ils vont essayer de survivre, de la protéger, et surtout, en tout cas, c'est ce qu'ils croient à ce moment-là, essayer de retrouver les parents de Clémentine, qui sont donc, a priori, à Savannah. Alors, le début du jeu, je crois que ça commence à Macon, c'est ça? Pas Macon. À Macon, ouais, c'est ça. Moi, ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça, du coup, mais parce que j'ai un pote qui vient de Macon, en plus. Mais ouais, non, c'est à Macon, et je crois que la grosse ville à côté, c'est Seattle, quand il la quitte, en fait. C'est assez bien mis en scène, hein, le tout début, tu sais, on voit la voiture, oui, et t'as un petit vieux qui te parle de tout et de n'importe quoi, il te raconte sa vie, et il coupe, en fait, la radio, alors que eux, tu les entends, qui sont en train de gueuler en disant « Oh là là, c'est, tu sais, avec des chiffres à l'américaine, 1040, je sais pas quoi. » Et tu vois plein de bagnoles qui passent dans l'autre sens, et tu te dis « Ok, ça va chier. Ouais. » Et effectivement, ça se passe au tout début de l'outbreak de... Oui, c'est vraiment ça, ouais. On n'arrive pas un peu après, c'est vraiment, il y a le point épidémique. Ouais, c'est ça, c'est un peu parti. Patient zéro, et du coup, en fait, bah, la bagnole, elle rentre dans un zombie, et puis, ça part de là, quoi. Sachant que les événements sont concomitants avec ceux de la série. Ouais. Et géographiquement aussi, puisqu'on va croiser un petit peu au fil de l'aventure, il y aura quelques caméos presque de persos du comics slash série. Donc c'est un peu dans cette même zone-là. Donc je sais plus si c'est Seattle exactement. Ouais, j'ai un doute sur le nom de la ville, mais voilà. En tout cas, c'est pas, pour une fois, c'est pas New York, ni Los Angeles, ni San Francisco. Donc c'est une autre ville des États-Unis. Donc ça change un petit peu. Et ça permet d'avoir, par contre, cet environnement très rural qui marque vraiment, je trouve, l'identité visuelle de The Walking Dead et qui permet, du coup, d'expliquer pourquoi ils vivent quasiment que dans une forêt, etc., etc., quoi. Du coup, on va suivre vraiment épisode par épisode. Chaque épisode va être un petit peu situationnel, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que le premier, c'est vraiment l'introduction des personnages avec lesquels on va faire nos premiers pas. Il y a notamment le personnage de Kenny, qui est un pêcheur qui vit avec sa femme et son gosse Doc et qui va nous accompagner pendant quasiment toute la durée de l'expérience, en tout cas jusqu'à la fin de l'épisode 5. Et ensuite, voilà, chaque épisode va être un petit peu une situation différente. Le deuxième épisode, ils sont dans un motel, mais ils ont des problèmes de bouffe, et du coup, ils vont côtoyer une petite ferme locale qui est, voilà, en bioéthique, hein, c'est le biocop, ils font ça vraiment. Ouais, c'est Inamap, hein, tu vois, tous les 15 jours, ils t'envoient des petits morceaux de jambon. Mais en fait, il se trouve que les petits morceaux de jambon, eh bien, c'est des cuisses de bonhomme, ouais. Et voilà, c'est des cannibaux. Oui, des cannibalos. C'est les cannibales. Donc forcément, ça va mal se passer. Le troisième épisode, qui est peut-être, je pense, le moins intéressant, c'est celui où ils sont dans le train. En fait, le train qui va les mener donc de la ville, peut-être Seattle, mais on n'est pas sûr, vous vérifiez. Enfin, en tout cas, ils quittent Macon. Voilà, ça, c'est ils sûr. Quittent Macon, et Macon, pour pardon. Aller jusqu'à Savannah. Et donc, il y a tout ce passage dans ce train, il y a même des petites énigmes à faire, des petites bédouilles, hein. Il y en a toujours un petit peu. Le quatrième épisode va se dérouler dans la ville de Savannah, aussi dans une espèce de quartier, on va dire, qui a été un petit peu barricadé par une communauté qui ont décidé de se débarrasser de toute personnalité un peu faible, donc enfants, seniors, malades. Les malades, voilà. Si vous n'êtes pas un vrai gamer, vous ne rentrez pas dans la communauté. Et finalement, ils se feront quand même avoir par les zombies pendant qu'on ira les looter. Hein, on va leur looter instant un petit peu karma. D'essence. Et oui, malheureusement, ça n'a pas marché de virer les vieux et les femmes et les enfants d'abord. Et puis le dernier épisode va vraiment conclure un petit peu toutes les ficelles que le jeu a développé, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais il y a la petite relation avec Clémentine. Il y a tout un tas de trucs, de toute façon il y a toutes les relations, on va revenir en détail quand on va un peu s'intéresser justement aux mécaniques qui sont mécaniques narratives qui sont mises en place. La fin du quatrième épisode, gros cliffhanger, puisque malheureusement Lee se fait mordre par un zombie, et dans l'univers de Walking Dead, si tu te fais mordre, t'es mort, hein, c'est la règle, hein, c'est instantané. Et donc on sait ce qui va se passer, tu vois, on sait qu'il va y avoir un dénouement tragique dans tout l'épisode 5, mais le problème c'est que Clémentine s'est faite enlever. Exactement. À la fin de l'épisode 4. Il y a un double cliffhanger, Lee est mordu. Clémentine a disparu. Non, mais en termes de tension, ça marche vraiment très bien. Ça marche très bien. D'ailleurs, il n'y avait eu qu'un mois entre les deux derniers épisodes. Hein, alors parce que les gens ont râlé. Hein, ils sont allés dans la rue, d'ailleurs. Il y avait des manifestes. Pas du tout. Non, je crois pas que ce soit le cas. Alors, est-ce que des gens ont réclamé que ça arrive vite? C'est Internet, ce sont des gamers. Oui. C'est pas impossible que ça soit arrivé. Mais en tout cas, voilà, ce dernier épisode qui va se concentrer un petit peu sur les toits comme ça de Savannah, puisque Lee va essayer de retrouver Clémentine. Et puis, il la retrouvera. Il aura même droit à rencontrer le fameux méchant, entre guillemets, hein, de la saison. Le méchant, en fait, qui discutait avec Clémentine sur son talkie-walkie depuis le début. Puisque depuis le début, dès qu'on la récupère, elle garde son espèce de talkie-walkie avec lequel elle jouait avec ses parents pour communiquer de sa cabane au canapé, j'imagine. Et en fait, cette espèce de grand méchant va nous faire vraiment un monologue où justement il va nous renvoyer un petit peu tous nos choix à la tronche, tous les trucs qu'on a fait, notamment piquer de la bouffe dans une bagnole à la fin de l'épisode 2. Oui, c'est ça, c'est la fin de l'épisode 2, ouais. Parce que Clémentine lui a raconté ça. Oui, effectivement, voilà, ouais, tout à fait. Puis, bon, de toute façon, vu que c'était la bagnole du type en question, il avait bien vu qu'il n'y avait plus de bouffe à l'intérieur. Et donc voilà, il y a cette espèce de confrontation à la fin. Évidemment, on arrive à s'en sortir, on récupère Clémentine, mais malheureusement, Lee ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin puisque l'affection commence à lui monter à la tête. Et à la fin, on devra faire le choix de demander à Clémentine soit de nous coller une bastos dans la teuté, soit de nous laisser accrocher à notre radiateur pour turn, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire se transformer en zombie. Moi, j'ai choisi la balle dans la teuté, évidemment. D'ailleurs, je crois que c'est la majorité des gens, dans mon souvenir, qui avaient choisi ça. Et c'est pas mal, parce que c'est, en gros, toute la saison 1, en fait, est pensée comme une espèce d'initiation pour Clémentine, puisque derrière, c'est elle qui va devenir l'héroïne de la saison 2, 3 et 4, qui est la dernière, et qui va devenir, du coup, elle va devoir se débrouiller toute seule, quoi, par la suite. Oui, tu peux avoir, en fait, cet arc où Lee apprend à Clémentine à servir d'une arme, et t'as la fin justement de cet apprentissage qui est symbolisé par le fait qu'elle abatte Lee dans la tête. Ça peut être fait un petit peu avant, elle peut abattre aussi le méchant, grand méchant, parce que nous quand on joue Lee, on peut soit l'étrangler, soit je sais pas, si tu veux le laisser un petit peu vivre, au final il se défend, Clémentine l'abat justement avec le flingue que t'as pris par terre. Donc ils ont laissé en fait, même en fonction de tes choix, c'est toujours possible d'avoir Clémentine qui ne se serve pas une seule fois de son arme, mais il y a deux opportunités comme ça qui sont mises pour que t'as un arc un petit peu conclusif en fait à ce niveau-là où tu te dis elle sait se débrouiller toute seule la petite, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, la relation entre Lee et Clémentine, c'est vraiment le cœur de l'histoire que veut raconter le jeu. Tu as deux manières un petit peu de la vivre. Tu peux soit être un peu surprotecteur en la mettant un peu toujours de côté, en lui disant reste toujours bien planqué, ou tu peux un peu plus lui faire confiance, essayer un peu plus de l'initier à certains moments. Je sais qu'il y a un espèce de moment aussi dans l'épisode 3 où on se retrouve tous les deux coincés dans une cabane, et justement elle va pouvoir t'aider, elle va taper sur un zombie ou un truc comme ça, donc voilà, tu sens qu'elle est quand même assez débrouillarde la petite, mais tu peux la jouer un petit peu comme tu veux par rapport à elle. Mais voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin tu es attaché à elle. Il y a un peu évidemment et au radiateur pardon y a vraiment évidemment cette relation père-fille qui se met en place, et qui était vraiment le truc récurrent pendant toutes les années 2010, hein, c'était un thème. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une quantité de jeux avec ça. Alors du coup, moi j'ai Nier qui me vient en tête, mais ça c'était à cause de mon actualité récente. Il y avait surtout The Last of Us qui a vraiment sorti un an après. Ouais. Et pareil, il y avait des morts qui vivaient. Oui, effectivement. C'était pas pour les mêmes raisons. C'était une maladie. C'était champignon et voilà. Ça avait rien à voir. Mais t'as eu tout un tas de jeux qui s'interrogeaient sur cette relation, et puis ça a été le point culminant jusqu'à God of War, dont on a parlé dans cette excellente émission qui s'appelle Fin du Game. Je vous recommande. Witcher 3, oui, également. Ça, donc voilà, il y a eu beaucoup de jeux là-dessus, mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment cette relation, elle est au cœur du jeu, et je pense que c'est celle qui est la plus touchante, hein, vraiment les moments les plus émotionnants, non, émouvants du jeu, c'est quand même les moments avec Clémentine. Mais par contre, il y a quand même plein de choses qui vont se passer avec les différents personnages qu'on va pouvoir croiser. Il y a notamment l'arc avec Kenny, qui lui va donc perdre sa femme et son fils qui se fait mordre, donc lui aussi qui va devenir condamné, et sa femme qui va pas supporter de mettre fin au jour de son fils et qui du coup va se suicider. Donc il y a déjà ça, lui, ce personnage qui va vraiment un peu péter un câble, hein, après vraiment à la mort de ses proches, il va vraiment finir céder à ce qu'on pouvait lui deviner, c'est-à-dire un certain tempérament un peu impulsif, un peu énervé, tu vois. Il a le sang chaud, on voilà. voyait depuis le début, de toute façon, il est présenté comme un Américain assez rural, justement, ouais. un peu redneck sur les bords, etc. Ce qui est assez intéressant, on en parlait hier du coup dans l'autre enregistrement, c'est que, en fait, moi je me suis toujours mis de son côté, tu vois, j'ai toujours pris sa défense. Et en fait, j'ai pas senti ce côté pétage de plomb parce que du coup, il y avait Lee qui le tempérait un peu. Il pouvait un peu s'appuyer sur Lee, tu vois. Et c'était vraiment devenu son super pote. Hein, et je trouve ça assez intéressant qu'en fait, les divergences ne soient pas des trucs extrêmement complexes, mais soient plutôt comme ça des petits changements sur la personnalité des personnages. Et dans le cas de Kenny, ou même dans le cas de pas mal de personnages, notamment Lee ou Clémentine, en fonction de ce qu'on lui apprend, on le ressent très bien ça dans The Walking Dead. Et le fils de Kenny, Duck, on peut choisir entre l'abattre ou laisser Kenny. Ni l'abattre, et ça c'est typiquement le genre de choix qui n'a pas de conséquences en fait différentes puisque c'est toujours la mort de Duck, mais là on est vraiment sur du choix qui c'est juste en fait c'est en fonction de comment tu le sens en fait, est-ce que c'est toi qui veux le faire ou est-ce que tu veux laisser Kenny faire. Alors je vois pas quelle raison t'aurais à laisser un mec tuer son fils, mais peut-être que tu peux ressentir en fonction des scènes surtout qu'il y a sa femme au sol qui vient se tirer une balle dans la tête déjà, mais il y a peut-être des raisons. Si vous l'avez fait envoyer un SMS au 8-12-12 be a man, voilà, c'est ça ce qu'un vrai mec ferait, il bute son fils comme ça, voilà. mais en tout cas on voit que c'est plus l'implication émotionnelle qu'autre chose qui est là, qui est intéressante dans ce choix là quoi. Ce qui est vraiment très intéressant avec l'univers de The Walking Dead et qui est très bien repris dans la série de jeux, c'est que The Walking Dead, tu le disais tout à l'heure, ça nous met face aux vices de l'humanité, machin. Mmh. En fait, il utilise le prétexte de l'apocalypse zombie avec les morts vivants, etc., pour faire en sorte que les humains qui survivent, ils vont être face à des choix moraux qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie. Tu vois, tu ne choisis pas entre manger ton voisin ou lui tendre la main. On n'a pas ce genre de choix à faire dans la vraie vie. On n'a pas à tuer ses enfants ou à se demander ce qu'on fait quand quelqu'un est mordu, heureusement. Et du coup, comme ça nous met face à ce genre de choix extrême, ça va, je pense, renforcer en fait l'attachement que tu vas ressentir. Mmh. Ça va permettre très rapidement de se retrouver avec des situations qui sont tellement complexes, tellement difficiles, tellement inimaginables d'un point de vue émotionnel, que tu vas instantanément te sentir en fait impliqué. Tu vois, moi, c'est comme ça que c'est pour ça que par exemple, même si la série elle a des hauts et des bas, la série télé, je reste quand même un bon spectateur parce que j'aime bien, tu vois, cette recette là de alors c'est quoi qui va leur arriver aujourd'hui ? Il y a des cannibales ? Non, il y a quelqu'un qui va tuer un de leurs copains ? Pas trop. Enfin, c'est toujours des trucs horribles qui leur arrivent et ils vont essayer de se débrouiller au sein de ce genre de petites situations complexes. Et le post-apo, c'est aussi l'occasion de se poser la question sur quelle base est-ce qu'on va reconstruire du coup la civilisation et quelles ont été nos valeurs qui ont été bousculées. Donc ça dépend de l'apocalypse, hein, c'est toujours une question qui va être posée différemment. Mais là, avec les zombies, c'est toujours la question de la violence et de la survie. Et là, en l'occurrence, on incarne quelqu'un justement dont les actions vont être jugées par une petite fille. Et c'est elle qui va te juger. En fait, c'est en fonction de tes actes. Et t'as d'ailleurs ce petit résumé à la fin par le grand méchant qui résume un peu tes actions. Je suis même pas sûr qu'il ait un nom. Tu vois, officiellement il en a pas. Ouais, il a pas de nom. En interne, ils en ont l'inconnu. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est The Stranger, je crois. Il en a pas officiellement. Et du coup, en fait, toi, tu vas être jugé. Et du coup, tu peux voir à la fin du jeu, en fait, qu'est-ce que toi tu ferais dans une situation comme ça. Quelles sont les valeurs que tu veux inculquer à Clémentine? Est-ce que ça va plutôt être attaquer des innocents, voler des innocents, ou au contraire vouloir monter un petit peu une petite communauté? Et c'est pour ça que tous ces choix et ces tensions sont très importants dans le jeu, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait le choix de ne pas faire de Lee un leader. Mmh. C'est-à-dire que lui, en fait, comme il vient... les premières personnes qu'il rencontre, ces personnes-là savent qui il est. C'est-à-dire qu'il est meurtrier, qu'il a tué un sénateur. Pour l'histoire, juste pour rappeler au cas où si des gens avaient un peu oublié, on peut l'apprendre complètement vers la fin, si je dis pas de bêtises, et c'est en fonction de tes choix. Donc tu peux Que je l'ai su très tôt, mais oui, d'accord. Tu peux... Après, tu sais pas genre à quel point c'est vrai ou faux, tu vois. Moi, j'ai jamais supposé que c'était pas vrai, en fait. Non, c'est vrai, hein, il le dit à un moment, il en parle. Oui. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est comme il y a plein d'embranchements, on peut s'y perdre dans l'explication. Désolé pour les personnes qui nous écoutent. En fait, il en parle à Carly, qui est la journaliste que tu peux choisir de sauver ou non dans l'épisode 1. Et du coup, tu apprends qu'effectivement, en fait, l'ex-femme de Lee avait une relation avec le sénateur et que, bah, a priori, il y a un moment où ça s'est mal passé, il s'est retrouvé à tuer le sénateur. Mmh. Alors, on sous-entend que c'était plus ou moins un accident. C'était pas genre meurtre prémédité où il l'attendait chez lui ou quoi que ce soit. On imagine que c'était plutôt crime passionnel en mode, bah, ils se sont engueulés, il s'en est venu au bras et ça s'est mal terminé, quoi. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que bah, en arrivant dans le groupe, il n'est pas en position, on le disait bah, dans le dernier épisode, il est l'inverse un peu de Rick, de Rick, le personnage Rick. Rick, qui est vraiment lui le shérif, donc le représentant de l'ordre, quelqu'un qui est capable logiquement de gérer des situations de crise, même si ça ne se voit pas toujours, je suis d'accord dans les situations policières actuelles, mais bref, il est représenté comme ça, alors que Lee, lui, à l'inverse, il ne peut pas prétendre être le leader de ce groupe parce que bah, il a ce passé-là qui, même dans ces conditions-là, va quand même lui peser dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, au sein du groupe, on est juste une personne et on n'est pas celui qui va mener, qui va vraiment mener le groupe à la baguette. Et du coup, ça va être d'autant plus difficile de faire des choix parce qu'on n'impose pas nos choix à tout le monde, mais on subit un peu plus les perspectives et les visions et les envies des uns et des autres et on va devoir prendre parti. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi que ça nous permet de nous impliquer parce que bah, c'est nos affinités avec les différents personnages qui vont surtout dicter nos choix, quoi. Et là, Clementine, elle a aussi une fonction, c'est celle de nous faire rester en fait, dans le groupe, puisque les, on n'a pas encore parlé, mais c'est Sean Venaman et Jake Rodkin qui sont un peu les deux creative leads sur The Walking Dead saison 1. Ils disaient que, du coup, comme Lee n'est pas légitime pour devenir le chef, ça aurait été plausible de se dire, bon, il a juste à se barrer, en fait, s'il n'accepte pas le regard des autres. Mais comme il est avec Clementine, bah, du coup, il veut un cadre un petit peu structuré pour elle, donc il reste dans le groupe. Oui, et puis c'est une question aussi de survie, quoi. À deux, c'est plus compliqué. Ah, c'est une façon de voir les choses qu'il disait, tu vois. Ils auraient pu se battre tous les deux, et là, on aurait eu un truc un peu plus à la Last of Us. À la Last of Us, oui, c'est vrai. Coup, ouais, mais là, il y a cette volonté, voilà, de faire un groupe, d'y rester. Un cadre familial, voilà, la structure familiale, la famille nucléaire, mononucléaire, tout ça, quoi. Non, mais c'est un truc qui est toujours assez fascinant, je trouve, dans l'approche qu'ils ont dans les histoires de zombies, etc. Parce que justement, tu as cette logique de le monde est foutu, donc il faut préparer les enfants à ce qu'ils vont vivre eux, et donc avoir une approche très pragmatique de bah oui mon enfant tu vas apprendre à écrire, à lire et à tirer sur des zombies, ouais. Donc ça c'est toujours assez étrange et tu vois aussi les adultes qui ont connu l'avant et qui du coup en fait luttent un petit peu pour essayer bon an mal an de garder comme tu le dis une espèce de structure normale avec des grosses guillemets alors que c'est complètement impossible et cette espèce de ces objectifs qui s'opposent en permanence c'est ça qui donne lieu à des situations que je trouve assez intéressantes parce que du coup bah Lee il essaye quand même de lui dire bah va jouer, va faire des trucs, enfin de temps en temps tu vois on la voit qui est en train de jouer en arrière-plan avec Duck avec un ballon ou un truc, un machin qu'ils ont trouvé par terre, alors qu'effectivement quand ils cherchent une espèce de normalité au niveau en plein milieu de cette folie dans laquelle ils vivent, parce que très clairement entre les cannibales, les machins, les bidules, ils en voient de toutes les couleurs, quoi. Oui, surtout que chaque épisode a vraiment un moment, vraiment un point culminant. C'est vraiment construit comme des épisodes de série. Donc à chaque fois, il y a vraiment un climax. Souvent, ça va être la grosse décharge, le gros chargement psychologique. Donc c'est le mec qui s'est fait couper les jambes pour te servir le jambon. Ça va être la mort de Doc. Ça va être le gamin qui a été abandonné dans le grenier, qui ressemble à Doc, mais qui est mort vraiment, qui est devenu un zombie, qui peut même pas se déplacer tellement qu'il il a est été mort affamé de faim, alors, du et coup, qu'il a plus d'énergie, quoi. C'est il est très squelettique. Donc voilà, chaque épisode a vraiment son image forte. Dans l'épisode 5, c'est Lee qui va se couper le bras. Et t'as tout le climax où il défonce. T'as vraiment une scène, vraiment caméra à l'épaule, où t'es au milieu d'une foule de zombies et il va tous les détruire à coups de machette. C'est vraiment le passage vraiment de grosse violence. Moi, j'étais impressionné en fait par les choix qu'ils ont fait parce que, bon, déjà, c'est du jeu 18+, hein, ça c'est vraiment, faut bien le savoir, hein, Walking Dead, c'est pas un jeu à faire avec vos enfants sur le canapé. Non, vraiment pas, parce que c'est vraiment crado. Quand on parle de cannibale, il y a vraiment, tout est là, c'est cru. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah non, ils font cuire quand même un petit peu la viande. voilà, non, mais du coup, il n'y a pas ce côté justement humour noir, c'est malheureusement beaucoup plus, beaucoup plus cru et terre à terre que ça. Donc ça peut être assez choquant. Moi, je sais que j'ai toujours été surpris, et c'est ça que j'aime bien finalement d'ailleurs avec Walking Dead de manière générale, c'est cette capacité qu'ils ont de ne pas mettre de gants, de vraiment mettre leur personnage et leur situation dans des trucs de plus en plus horribles. Et tu te dis, c'est quoi la surenchère? Et ils arrivent toujours à trouver des trucs en plus. Et là, moi, le gamin que tu trouves dans le grenier, c'est tout bête parce que c'est, pour une fois c'est pas gore, mais c'est peut-être un des trucs que j'ai trouvé le plus dur à avoir, quoi, parce que t'as un petit gamin que tu vois qui est tout un sac d'os le pauvre, et tu te dis qu'il est mort là tout seul, abandonné, enfin dès que tu commences à imaginer le... Oui, c'est ça, en fait c'est ça qui fonctionne, c'est de la projection et te dire ah ouais il est resté là comme ça, et oui c'est... effectivement je suis assez d'accord que c'est le truc qui t'angoisse le plus finalement, parce que mourir avec une trente, enfin voilà, c'est humainement, c'est un des trucs qui nous angoisse le plus, tu vois, entre la noyade et mourir de faim ou enterré vivant, tu vois, ça fait partie de mes top 3 des morts que j'ai pas envie de vivre, tu vois. Ouais. Je préfère un bon coup de machette dans la tête. Voilà, ça permet de passer plus vite. C'est simple, c'est propre, c'est efficace. Exactement, et c'est ça qu'on aime. Mais alors, on n'en a pas du tout dû parler, on s'est concentré sur l'histoire, mais il y a beaucoup quand même de moments de jeu où ça va être de la résolution de problèmes, et c'est là, en fait, que le point and click va un petit peu intervenir dans le jeu. Alors, c'est très très léger, hein, comme on le disait, par rapport à ce qu'on va avoir dans un Grim Fandango, même si, alors il m'est arrivé parfois, à un moment, de regarder une soluce parce que j'avais la flemme quand même vraiment de chercher, parce que je suis vraiment un glandose, j'imagine. Non, mais j'ai galéré moi aussi, il y a eu un passage dans le premier épisode, hein, ouais, de cette saison 1 où, en fait, j'avais pas vu au sol qu'il y avait un coussin, que ce coussin allait pouvoir te servir. Ah oui, dans cette fameuse séquence. Ouais, là, quand t'arrives au motel, en fait, ouais, avant que t'investisses le motel, en fait, tu dois essayer de sauver une nana que t'entends crier dans une chambre, elle s'est enfermée toute seule. T'essayes de vouloir aller la sauver. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a Glenn, qui est un des personnages de la série télé, qui est encore avec nous. Et donc, en fait, j'ai vraiment mis du temps avant de comprendre que il fallait que je ramasse ce coussin au sol. Tu vois, j'avais pas vu qu'on pouvait, ouais, cliquer dessus. Et ça fait partie un petit peu des passages un petit peu frustrants. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure des épisodes, ils édulcorent ce genre de truc pour que ça soit, ouais, de plus en plus évident la solution. Tu vois, à la fin de l'épisode 5, le seul passage dont je me souviens qui est un peu point and click, c'est le moment où tu dois cliquer sur une échelle et la mettre sur, oui, voilà, le trou béant qui est entre deux bâtiments où et c'est tellement mis en scène, en plus, tu vois que ça. T'as un angle de caméra, ouais, ouais, dès que t'as pris l'échelle. Ça dirige, t'as vraiment le champ, tu sais, ouais, vraiment, ouais, la profondeur de champ qui se dirige vers le clocher. Tu fais oui, oui, j'avais bien compris que je devais le mettre là. Alors qu'effectivement, je me souviens dans quelques épisodes, t'as un moment où tu dois éteindre un générateur, mais en fait, faut aller chercher à l'intérieur, couper un fil et puis le refermer pour attirer un mec. Oui, ça, c'est chez les Saint-Jean. Il y a tout un passage au premier épisode, je crois aussi, où t'as une télécommande, tu dois te servir une télécommande pour attirer des, oui, zombies, pour machiner. Ça, effectivement, c'est vraiment des rémanescences qu'on a du point and click, c'est-à-dire je vais chercher un objet à tel endroit, je vais me trouver face à un mur ici, donc je vais revenir sur mes pas et ensuite je pourrais me servir de ça. Donc t'as tout ce genre de petits mécanismes qui étaient vraiment très point and click, très LucasArts et très ce qu'ils faisaient avant chez Telltale et qui va, comme tu le dis, vraiment s'édulcorer au fur et à mesure. Un inventaire, il y en a un vraiment minuscule, hein, ouais, t'as tu deux, trois objets, voilà, sur la gauche, mais tu peux pas y accéder, tu vois, oui, c'est pas comme dans les pas, point and click, où tu vas pouvoir tu prendre l'objet. Tu n'interagis pas, voilà, avec de la même façon. Ouais, ouais, ouais, tu peux pas du tout les choisir, les objets, et les mélanger entre eux, qui est un grand classique du point and click d'habitude. Ouais, bah progressivement, de toute façon, ils ont fait disparaître ça pour laisser la place au choix, parce que, ouais, c'est vraiment ce dont ils se sont rendus compte qui faisait le sel du jeu, qui engageait et intéressait les gens. Du coup, c'est le moment de parler un petit peu des choix à la Telltale, puisque on disait peut-être un petit peu en grossissant le trait qu'ils n'avaient pas tous une conséquence directe, mmh, sur le jeu, parce que clairement il y a des artifices, hein, qui sont mis en place. On a notamment la scène où on peut sauver Doc, on a le choix entre sauver Doc, donc le fils de Kenny, ou quelqu'un d'autre, et en fait si on sauve Doc, il va nous accompagner très longtemps pendant l'aventure, il va avoir un vrai impact, et on va se dire, ah ouais, t'imagines si je l'avais pas sauvé. De toute façon, c'est concrètement ce qui s'est, ouais, passé, parce que on s'est appelé et, ouais, je t'ai dit, c'est, tu vois, le Doc, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, ouais, parce que je l'ai sauvé, il est quand même là depuis un moment. Et du coup, tu m'as dit que... Bah, et du coup, si tu sauves l'autre, ouais, sous-entendant tu laisses Doc mourir, bah en fait, non, Doc se fait sauver quand même par son père. Donc Doc ne peut pas mourir à ce, ouais, moment-là, mais le jeu te fait croire qu'il serait mort. Donc il y a tous ces petits artifices mis en place. T'as quoi ? T'as aussi du caractère swap un petit peu, où encore une fois t'as les dilemmes, donc ça on les reconnaît bien dans les jeux, où il y a une sorte de time freeze, ouais, où deux personnes sont sur le point de mourir, on a le choix entre sauver A et B. Et alors j'ai oublié leur nom. Hein, t'as mais... Carly ou. C'est Carly et Doug ou David. Doug, un des deux. David. J'ai oublié. On n'avait pas trouvé hier. Ouais. On n'avait toujours pas trouvé aujourd'hui. Non, j'ai pas été faire. Bah, je savais pas qu'on allait, oui, réenregistrer, bah, oui, donc forcément, j'ai pas fait du fact-checking. Que ce soit A ou B qu'on, ouais, qu'on sauve, le perso, en fait, il va nous sauver plus tard au même moment du dans jeu, les mêmes conditions. Les cannibales, ouais, ouais. Il fait quasiment la même chose et il va juste laisser l'opportunité à Lee, en fait, d'attaquer son agresseur. Alors, il ne meurt pas exactement au même endroit. Il y a une petite, mmh, différence. Ils ne finissent pas tout à fait de la même façon. Parce que bon, là, ce serait peut-être un petit peu abusé. Mais en attendant, voilà, on a quand même des choix où on aurait pu se dire, ah putain, mais lui, il m'a sauvé là. Tu te rends, ouais, compte, si je l'avais pas sauvé, ouais, ça se trouve, je serais mort. Non, en fait, t'aurais été sauvé au même moment par une autre personne, ouais, effectivement. En fait, ils ont vraiment fait un gros tronc commun, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un jeu qui part vraiment dans tous les sens avec un arbre très très étalé, Et ils ont vraiment fait le choix de se concentrer et de se concentrer vraiment sur leur scénario, puisqu'on va vivre tous plus ou moins la même chose. Hein. Toutes les situations, on les vit quoi qu'il arrive. Hein. Il n'y a pas vraiment de scène alternative. C'est au sein de ces mêmes scènes, par contre, qu'il va avoir des petites différences. Donc, soit un personnage qui va être différent, soit une ligne de dialogue qui va changer. Il y a un personnage qui veut dire « Ah ouais, tu te souviens quand t'avais fait ça ?» ou un machin, pour bien, encore une fois, reboucler avec les amorces, les choses que t'as mis en amorce. Parce que de toute façon, c'est tout le temps ça, la narration. Hein. C'est des petites amorces. Et puis après, hop, ça se boucle à la fin. Et l'idée, c'est de créer quelque chose, un tout cohérent qui va d'un point A à un point B de manière logique. Et c'est ça, je pense, qui fait que ça marche. C'est-à-dire que justement, tous les arcs des personnages, toute l'histoire, bah, elle tient bien debout parce que bah, justement, elle ne peut pas partir dans tous les sens. Quoi. Ouais, en fait, t'as une espèce de macro-histoire hein, qui ouais. va être vraiment celle que tout le monde va vivre. Donc, c'est Lee rencontre Clémentine. Clémentine apprend à survivre grâce à Lee et à la fin, elle doit choisir entre le tuer ou ne pas le tuer. Tu vois, ça, c'est la macro-histoire. Et par contre, après, à une échelle plus micro et plus personnelle, tu vas avoir tout un tas de petits embranchements, mais les personnages sont globalement les mêmes. Ça, c'est un truc qui est très important à noter. C'est que Lee, ça reste Lee, ça reste un ancien tueur, ça reste un personnage qui se pose plein de questions bah, sur sa relation ratée avec son ex-femme, sur le fait qu'ils aient pas eu d'enfant, etc. Donc ils arrivent avec leur personnalité et ils ne font que la confirmer en faisant des choix qui ne vont pas les transformer ils vont pas passer d'une personne A à une personne B instantanément. Oui, on peut pas avoir un Kenny différent, toi ouais. et moi. C'est Kenny, c'est toujours le même. Oui, oui on c'est peut pas Kenny le cutéreux ou Kenny voilà. Le patron d'Apple. Tu vois, ça peut pas. non, mais tu peux pas passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que tu vas avoir simplement différentes, tu vois, 50 Shades of Kenny, ouais, mais tu vas pas ça. Avoir quelque chose de très différent, et ça c'est très important pour la construction des personnages parce que ça permet en fait de les garder cohérents avec ce qu'ils sont et comment ils sont écrits du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que toi, quand tu te retrouves face à une situation ou face à un choix, bah t'es pas surpris par la réaction de la personne ou parce que toi, en tant que Lee, tu vas devoir décider parce que ben. Dans les deux cas, il y a du sens dans chacun des choix qu'on te propose. Oui, c'est vraiment des choix affinitaires et pas des choix qui vont avoir un impact comme ça sur l'histoire. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, en fait, parce que du coup, on vit tous un truc commun qu'on va pouvoir partager et on a vécu la même chose de ce que voulait nous raconter The Walking Dead. Mais voilà, on a des petites nuances, comme tu dis, et je pense que c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, tu l'as vite fait mentionné, mais à chaque fin d'épisode, on voit bien les scores hein, de qui, combien de pourcentage des joueurs ont choisi ça ou ça, et c'est vrai que ça te donne c'est toujours assez agréable de voir est-ce que t'as fait un choix majoritaire ou est-ce que ouais. à l'inverse t'as fait un choix un peu plus en général un peu plus trash que la majorité de la population. Et Venaman il en avait parlé de ça, donc le scénariste, que l'objectif c'était pas forcément de faire des choix où ça allait de 50-50 partout, de faire des trucs ultra polarisants, mais l'objet c'était juste que chaque choix t'engage un minimum, juste que au moment où tu sois face à soi, bah, tu sois un petit peu partagé, que tu pèses un petit peu éventuellement pour le contre, ou juste que tu dises bon bah je vais faire ça parce que voilà j'ai envie de le faire, j'ai envie que ce soit ça. Il faut juste que tu saches ce que tu vas faire, quoi. De toute façon c'est assez bien écrit pour que malgré tout tu vas toujours froisser quelqu'un, mais t'as pas forcément envie de le faire, tu vois. Alors il y a des personnages qui sont un peu détestables, notamment le fameux Larry là, qui est le père de Lily, qui lui peut vraiment pas te blairer dès le début, et du coup t'es limite content quand il meurt. Il y a le Ben là, qui est vraiment le boulet le François Pignon. Oui, voilà, c'était pour moi le Benoît Poulvord du jeu, qui fait vraiment que des conneries, mais à chaque fois qu'on lui demande de faire un truc, il tape complètement à côté. Alors je repense franchement ce passage avec cette hache là, où il est en fait dans l'espèce d'épisode là, on est dans l'espèce d'université où il y avait justement les vrais gamers, les Crawford, ouais. En fait on bloque une porte avec une hache pour pas que des zombies rentrent, et puis on revient un peu plus tard à ce même endroit, et là il y a Ben qui nous dit hey, regardez, j'ai trouvé une hache, c'est trop bien, on va pouvoir se défendre. Et là Lee il fait mais où as-tu trouvé cette hache? Et là le mec il dit bah là elle était coincée dans la porte, et là bim, tu vois la porte qui s'ouvre et tous les zombies qui rentrent, et toi tu te dis mais quel bolos quoi, c'est pas possible, c'est vraiment que des conneries. Et puis en plus bah c'est lui qui va mettre un peu en péril à plusieurs fois le groupe, puisque c'est lui qui donnait les médicaments aux criminels dans l'épisode 2. Il donnait en fait en douce des médicaments qu'ils avaient récupérés. Alors pour la petite histoire, tu vois, c'est ça où je me dis c'est quand même très bien construit, parce que ça dure finalement, le jeu en lui-même, ça dure 10-12 heures, mais on sait que, bah, en fait, à l'origine, Lee, il est originaire de Macon, que ses parents, ils tenaient une petite pharmacie, que son frère, il bossait dans la pharmacie avec les parents et qui qui s'est transformé en zombie, puisqu'on le voit par terre à un moment donné et que c'est pas très rigolo. Et du coup, ils ont pu récupérer tout un tas de médicaments, parce que c'est ça un des enjeux de l'épisode 1. Et Ben, en fait, enfilé en partie au gang de hors-la-loi, enfin, il n'y a plus de loi, mais donc au gang de mecs qui vivent autour de l'hôtel pour empêcher, entre guillemets, qu'ils viennent assaillir. Oui, c'était un deal avec eux, c'est, ils sont un peu des charognards, quoi, et puis ils leur donnaient des médicaments, genre foutez-nous la paix, je vous fournis en doliprane. Et ce qui s'est passé, c'est que le père de Lee, il a fait une crise cardiaque en allant quand il était chez les St. John, là, donc les cannibales. Kenny lui écrase littéralement un énorme pavé de béton sur la tête pour le tuer avant qu'il se transforme. Et donc, bah, Lily, elle est mal. Hein, voilà, elle a vu son père mourir sous ses yeux. Elle commence à douter de tout. Elle commence à être un peu... elle se fait passer pour parano. Et forcément, elle voit qu'il manque des choses dans le stock. Et bah, elle peut pas vraiment décider. Et au final, elle décide que c'est Carly la responsable. Ouais. Et elle lui met une balle dans la tête à l'épisode 3. C'était vraiment assez surprenant comme passage. Alors qu'en fait, c'était la faute de Ben depuis le début. Alors que moi, je le défendais, ce petit con, là. Mais moi, je m'étais dit, c'est pas lui. Ça va être trop facile. Ouais, mais oui, c'est vraiment... Exactement. En fait, ils l'ont vraiment écrit comme étant le parasite de ce fucking groupe. Celui qui fait que des... et donc à la fin, bah d'ailleurs, tu peux choisir de le sauver ou pas. Ouais, tu peux complètement l'ignorer quand il tombe là. Et bah moi j'ai fait, écoute, voilà, désolé frère, c'est la vie, je dois me sauver. Alors que en fait, je crois que tu peux le garder quasiment jusqu'à la fin avec. Ouais, il me semble. Mais oui, c'est ça, comme vous le disiez, tu vois, c'est des persos qui sont vraiment écrits de toute façon pour créer des dynamiques de groupes plus ou moins contradictoires, puisque ça va être ça qui va être intéressant dans les choix qu'on fait. Et c'est en partie pour ça qu'il y a le fameux machin s'en souviendra. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que c'est ça, au final, pour certaines personnes, qui va vraiment faire. Qui va leur rappeler, en fait, que ce qui est important, c'est pas seulement de faire le choix à l'instant T, mais ça va être après d'en assumer les conséquences, de voir l'impact que ça va avoir sur le groupe et de voir dans quelle direction il va prendre après notre choix. Ouais, dans la formule, ce qu'on appelle la recette Telltale, hein, parce que les jeux Telltale, on y reviendra un peu plus tard, c'est devenu, en fait, quelque chose de très, très codifié. Ce fameux message qui apparaît en haut à gauche de votre écran, machin s'en souviendra, machin s'en rappellera, etc. C'est devenu vraiment l'une de leurs marques de fabrique. Ouais, ce qui est rigolo, c'est que bon, moi, à titre personnel, ça me gênait plus qu'autre chose, parce que je trouvais que ça, c'est un bon feedback, tu vois, ça permet aux gens de savoir, là, vous avez fait un choix, et attention, il va se passer des choses, et du coup, bah, ça te permet de te dire, bon, bah, il va se passer quelque chose, il faudra que je m'en rappelle moi aussi, en fait, hein, c'est aussi ça l'objectif de ce feedback. Mais moi, je trouvais que ça me gênait dans le sens où ça marquait trop les moments... Ça me montrait, ouais, en fait, ça appuie trop les ficelles. Ouais. Et du coup, comme j'ai tendance à voir la matrice quand je joue aux jeux vidéo, ça me sortait un peu en termes d'immersion. Mais par contre, comme c'est quand même des jeux qui ont une vocation à être assez grand public, je trouvais que c'était une très bonne idée parce que c'est tout simple. Ça met un poids énorme sur un choix que t'as fait sous la pression, parce qu'il y a toujours un chronomètre. Hein, tu fais jamais des choix où tu te dis, bon, j'ai 4 heures, je vais me faire un café, je reviens. Il y a toujours un timer. Et donc ça appuie vraiment ces moments-là, et quand t'es un joueur, je pense, un peu plus néophyte, bah ça ne fait que renforcer le sentiment de oh, c'est moi qui ai un impact sur l'histoire, parce que bah c'est ça finalement qui est intéressant avec The Walking Dead, c'est que c'est des jeux donc narratifs où le joueur a un impact. Et donc ça a souvent été critiqué comme étant des non-jeux, comme étant de la fiction interactive, patati patata. Bon, ça c'est des discours, heureusement on en est sorti, mais à l'époque en 2012 la question se posait, et donc pour eux je pense que c'était une manière de légitimer et d'appuyer le fait que voilà, ils font un jeu, il y a des embranchements, c'est les joueurs qui de l'impact. C'était vraiment leur argument de vente, hein. D'ailleurs, quand tu commences aussi chaque épisode, c'est vraiment marqué « ce jeu retient vos choix » et tout. Et en fait, ce qui est bien, parce que ça conservait l'accessibilité des premiers point and click, c'est-à-dire que c'est facile à jouer The Walking Dead. Alors oui, il y a quelques petits QTE par-ci, par-ça, mais ça ne demande pas vraiment de skill, hein, d'exécution, c'est jamais bien compliqué. Donc forcément, c'est très accessible, c'est très grand public, et je pense qu'effectivement, ça marche d'autant plus comme ça, de bien montrer l'impact de ses choix et du potentiel que ça peut avoir une fiction interactive, parce que même si on appelle ça juste une fiction interactive, bah c'est intéressant comme exercice de style narratif, et en plus ça marche dans The Walking Dead, quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant on a commencé à parler un peu de la formule Telltale, on constate que ça marche bien justement avec cet univers de Walking Dead, parce que comme on le disait, il y a d'une part ces choix qu'on doit faire, qui vont impacter la vie de l'un ou de l'autre en fonction de qui on va sauver, qui vont impacter le groupe, et avec les fameux machins s'en souviendra. Et ça marche bien avec un univers justement post-apo où un groupe essaie de se reconstruire, de vivre ses conflits internes, mais va quand même devoir prendre des décisions de survie, en fait, face à des éléments extérieurs. Et bah, quand on se rend compte qu'au final, cette formule, elle s'applique pas forcément à toutes les licences, quoi. Oui, parce que du coup, par la suite, Telltale a essayé d'appliquer ça à d'autres jeux. Dans le cas de The Walking Dead, ce que j'ai trouvé, moi, vraiment intéressant, en fait, c'est cette idée, comme c'est toujours des choix qui sont assez cornéliens, parce que tu te retrouves toujours à faire des dilemmes entre je vais sauver un ou je vais sauver l'autre, comme les choix sont toujours un peu extrêmes, tu arrives très rapidement, il suffit que de quelques minutes pour que tu t'attaches très fortement à ces personnages et que tu te saches qu'il va y avoir des vraies conséquences. Parce que ça, c'est un truc qui m'avait marqué quand je faisais le jeu. Quand tu prends la décision de suivre quelqu'un, comme t'es dans une situation de survie et de pragmatisme exacerbé, tu sais très bien que si tu prends la défense de telle personne, il y a moyen qu'elle te laisse tomber quand toi tu vas te faire poursuivre par un zombie. Tu vois, enfin, étant spectateur de la série The Walking Dead, je sais très bien qu'à un moment, si Rick, il a juste regardé de travers quelqu'un, quand il va se retrouver avec un zomblard qui essaye de lui bouffer la botte, l'autre il va dire bah t'avais qu'à pas me regarder comme ça. Tu vois, c'est des réactions qui peuvent paraître complètement immatures, mais qui dans une situation de survie deviennent en fait essentielles. Et donc la notion de confiance, elle est. T'as les alliés, t'as les ennemis, t'as le côté groupe tribal, tu vois, c'est t'as Rick versus le reste du monde, t'as Lee et les autres versus le reste du monde. Et donc, toi aussi, tu te retrouves au cœur de ce petit écosystème tribal, et donc instantanément, tu sais que bah, tes choix, ils vont avoir des vraies conséquences, et par contre, bah, dans cette notion de formule, c'est vrai que là, ça marchait très très bien avec la recette Walking Dead. Ouais, pour nous, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit quand on préparait. C'est vraiment un bon match, en fait, entre une formule qui, je pense, devait commencer à se préparer un petit peu en interne et la rencontre avec The Walking Dead. Et vraiment, ça a explosé littéralement. Le jeu a un succès critique et vraiment, eux, ils ont eu l'impression d'avoir trouvé vraiment leur pépite d'or, leur formule magique pour transformer le plomb en or. Et du coup, ils sont vraiment rentrer dans une logique très industrielle, tout simplement. Ils se sont dit, ok, on a trouvé ce qui marche, on a compris, et maintenant on enchaîne. Alors ils ont enchaîné sur les Walking Dead, et du coup je crois que ça a continué quand même à bien marcher, hein, concrètement. Hein. Je crois que les épisodes... Oui, ça se vendait toujours très bien, ça se vendait de moins en moins bien, ça c'est sûr, mais ça a continué, puisque même d'ailleurs le dernier épisode de la saison 4 est sorti en 2019, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, les épisodes ont commencé un petit peu à moins bien se vendre, hein. C'était plus des dizaines de millions à chaque fois, sauf que eux, ils avaient déjà mis en place tout l'armada pour pouvoir sortir des jeux en boucle, en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de Walking Dead, ils se sont vraiment dit, bon bah cette formule, on peut l'itérer à d'autres univers. Alors, il y en a un autre qui est sorti, c'était The Wolf Among Us, qui était pas mal, je crois. Maxime, toi t'avais plutôt apprécié. Ouais, j'avais plutôt apprécié, mais comme beaucoup d'autres gens, c'était mon troisième Telltale, ouais. Et du coup j'en avais marre de la formule. En fait, le jeu en soi, si je l'avais fait en premier, j'aurais peut-être adoré. Mais là, c'était juste... J'avais fait Walking Dead 1, donc à l'époque. J'avais fait la saison 2 ensuite, à l'époque. Et Wolf Among Us, qui a été bien reçu, hein, par la critique, les joueurs et tout. Mais voilà, la fameuse formule, quand c'est un petit peu toujours la même matrice, bah, tu t'en lasses un petit peu. Oui, quoi. C'est ça. C'est aussi... En fait, cette formule, moi, je trouve qu'elle marche bien individuellement. C'est-à-dire que tu prends un jeu tout seul comme ça, tu te dis, bah ouais, c'est malin et tout. Même si, oui, c'est un petit peu artificiel. Même si, après, tu vas sur Internet et tout, et tu te dis, ah oui, finalement, en fait, ils m'ont un petit peu entourloupé à plein de moments. En fait, toi, ton expérience de jeu, elle est très bien, parce que déjà c'est bien écrit et ça marche. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si t'en fais un, deux fois, trois fois, bah, tu commences à repérer un petit peu les patterns, et non seulement ça, mais en plus, bah, forcément, ça marche pas toujours de la même façon dans les différentes séries. Il y a eu Minecraft après. Moi, c'est vrai que j'avoue que quand j'avais vu qu'il y avait eu Minecraft, c'était difficile de pas sentir un peu l'opportunisme de Telltale. Est-ce qu'il faut aller chercher du sable ou plutôt de la terre? Oui, c'est ça. Tu vois, c'est le genre de truc. Est-ce que c'est ça qu'il y a dans le jeu? Non, je sais rien, je l'ai pas fait, mais tu sais, j'imagine, genre, est-ce qu'on va construire une cuisine ou est-ce qu'on construit une nouvelle bibliothèque? Tu vois, c'est... Et puis après, il y a eu Game of Thrones, hein, c'était vraiment, on parlait tout à l'heure des deux grosses séries, bim, il y a eu aussi Game of Thrones, et là, ça marchait peut-être moins parce que justement, en fait, dans The Walking Dead, c'est la vie du groupe qui va être impactée par nos choix, alors que dans Game of Thrones, bah, l'intérêt de Game of Thrones, c'est les grandes malversations, les grands trucs politiques, les grands de ce monde, en fait, qui vont décider de l'impact du monde, c'est les Targaryens, les machins, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est déjà fini il n'y a pas si longtemps, et pourtant, j'en souviens. Il y en a une qui s'appelle Daenerys. Ouais, Stark, voilà, les Stark, voilà. Les Lannister, évidemment, les Lannister. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jon Snow, lui, il sait rien. Voilà, voilà, c'est ça. Il ne connaît rien. Mais du coup, dans le jeu, on dirigeait une autre famille et en fait, dont l'impact était complètement anecdotique. Du coup, t'incarnes les PNJ de la série. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais c'est vrai que The Game of Thrones, c'est un exemple qui est extrêmement emblématique du problème qu'ils ont eu en fait Telltale par la suite. C'est que, ok, c'était malin de vouloir rechercher à faire de la licence parce que ça leur permet de pas avoir à présenter un univers à leurs clients. Donc, c'est une très bonne idée de se dire. On va parler de Batman, on va parler des Gardiens de la Galaxie, on va vous parler de Borderlands, pour ne citer que ceux qui sont sortis. Il y avait des jeux sur Stranger Things qui étaient en préparation, il y avait des fictions qui devaient arriver sur Netflix, enfin, ils sont partis vraiment dans toutes les directions, mais dans le cas de Game of Thrones, ils se retrouvent avec une licence qui a tout un tas de handicap. D'une, elle n'est pas finie d'écrire, jusqu'à preuve du contraire, il n'est toujours pas sorti, le dernier tome, donc on ne sait pas comment ça va se finir, donc ils peuvent pas non plus extrapoler. Ils vont pas raconter quelque chose qui ne se passe pas durant la série, puisque l'objectif de la licence, c'est de mettre en avant la série télé, et donc de faire des caméos, et qu'on voit Daenerys, et qu'on voit Jon Snow, merde, comment il s'appelle le nain, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Tyrion. Tyrion, etc. Enfin, tu vois, t'as envie de se croiser ces personnages-là parce que t'as envie de les voir. C'est tes personnages fétiches de la série, t'as envie de les croiser. Mais tu ne peux pas leur faire jouer un rôle différent de celui de la télé parce que les gens qui tiennent les cordons de la bourse, ils ont dit que la licence est comme ci et comme ça. C'est comme si tu bossais avec Nintendo et que tu te disais, je vais faire un jeu Les Lapins Crétins. Et tu vas passer les 4 années suivantes chez Ubisoft à répondre à des courriers japonais qui te disent, est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que le bouton, il est pas comme ci? Est-ce que Mario, il sourit bien 100% du temps, etc., etc. Non, mais j'en avais parlé avec des gens d'Ubisoft, là, tu vois, de leur association, et le cahier des charges de Nintendo pour l'utilisation de l'image de Mario, c'est incroyablement difficile. Hein. T'as plus vite fait de construire une centrale nucléaire que de faire ça, quoi. Alors que, effectivement, tu vois, dans l'univers de The Walking Dead, l'histoire de Rick, en fait, elle est pas exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Évidemment, il a toute une épopée et tout, mais à l'échelle des États-Unis, en fait, chaque groupe a un petit peu sa propre aventure, et du coup, c'est normal de faire juste l'histoire de Lee, qui est tout aussi impactante. Et c'est d'ailleurs pour ça que la série télé fait Fear the Walking Dead, hein, puisque c'est le spin-off qui raconte la vie d'autres groupes de survivants. Et c'est d'ailleurs le fait que l'histoire de chacun soit complètement banale, c'est d'ailleurs, je pense, le secret réel de The Walking Dead, qui fait qu'on ne joue pas des héros, on joue juste un groupe qui essaye de survivre, et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Ils ont tous complètement mis de côté la moralité et l'éthique et les valeurs humaines pour pouvoir survivre à tout prix. Et donc, en fait, ceux qu'on suit, c'est ceux qui ont raison. Tu vois, c'est juste ça, ceux qui ont survécu ont raison. Mais c'est pour ça que ça fonctionne, et du coup tu peux raconter l'histoire de n'importe qui dans l'univers de The Walking Dead, ça sera intéressant. Les enjeux de chacun des personnages, individuellement ou en groupe, seront intéressants en tant que tels. Alors que du coup sur d'autres licences, ça fonctionne pas forcément de la même façon, et puis surtout il y a pas... Tout ne se prête pas à cette gestion des conflits qui faisait vraiment, je pense, la force, hein, et qui renforçait nos choix et l'implication qu'on pouvait avoir dans ces choix. Chez Batman ou chez les Gardiens de la Galaxie, ça va peut-être pas avoir le même poids parce qu'on va peut-être Alfred pas se projeter. S'en souviendra. Voilà, Alfred s'en souviendra, je sais pas et si. Et on... il dira rien parce qu'il a pas son mot à dire. Ouais, c'est le majordome, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Et puis, non seulement il y a eu ce problème-là, effectivement, qui fait que la formule ne s'adaptait peut-être pas si bien partout, et puis il y a eu aussi des vraies décisions managériales qui ont été prises au sein de l'entreprise. En fait, quand The Walking Dead, ils ont cash-in The Walking Dead, quand ils ont récupéré le magot, en fait, je pense que ça les a... En tout cas, le top management, ça les a vraiment dépassés, et ils se sont dit, ok, on est les nouveaux rois du monde, et ils sont passés quand même d'une équipe, sur le premier The Walking Dead, c'était 80 personnes, à, je crois que c'est en 2014 ou 2015, ils étaient 400. Donc, c'est-à-dire que, vous vous rendez compte, hein, sur 4-5 ans même pas, 3 ans, ils sont passés de 80 à 400 personnes pour justement mettre en route une espèce d'immense machine qui allait produire du tel-tel, du tel-tel, du tel-tel, du tel-tel, et surtout, qui était à la fois sur plusieurs épisodes, donc t'es constamment en train de bosser dessus, mais en plus sur plusieurs licences à la fois, quoi. Nous, on avait fait le calcul, il y avait à peu près deux jeux par an qui sont sortis entre Walking Dead saison 1 et la dernière saison, du coup. Comme c'était l'épisodique, ça veut dire que tous les quelques mois, t'avais un épisode Telltale qui sortait, quoi. Enfin, t'étais censé jouer à ça sur toute l'année, toute ta vie, fallait jouer à Telltale. Oui, il y avait vraiment une inondation du marché. Enfin, on parle souvent des annualisations, des Call of, des Assassin's Creed, mais eux, c'était un autre niveau. niveau, c'est-à-dire que Telltale, on entendait ouais tout le temps parler quoi, tous les 2-3 mois, t'avais forcément une occasion d'entendre une nouvelle annonce, un nouvel épisode, là c'est l'épisode 3 de Borderlands, là c'est l'épisode 2 de Batman, là quelle c'est licence l'épisode on a ceci. Sécure, ouais. Qui sait donc de quoi ça va être quoi dans 2-3 ans et compagnie. Ouais, ça, et ça c'est vrai qu'au moment où ils étaient vraiment sur la pente ascendante, ben en fait tu voyais qu'ils avaient une espèce d'appétit absolument insatiable de on va acheter toutes les licences de l'univers, on va tout adapter, on va tout telltaliser et ça va être bien. Et bon, évidemment ça a pas fonctionné. Moi l'image que je me disais c'est, tu sais, t'imagines, tu montes juste un petit camion de bouffe comme ça, tu fais un petit food truck, ça marche bien, et du jour au lendemain tu décides d'en avoir 4000 dans le monde entier quoi. Et en fait c'est ça qu'ils ont fait Telltale, c'est vraiment, ils ont fait un truc qui a bien fonctionné, ils se sont dit demain on dirige le monde, on veut pas le savoir. Alors évidemment, d'un point de vue management, d'un point de vue entreprise, c'est un risque à prendre. C'est vrai que dans cette situation, tu te dis, bon bah j'ai vendu 50 millions d'exemplaires de The Walking Dead, on a du blé à qui coule à flot, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend du temps, on prend en vacances, ou est-ce qu'on presse tous nos employés jusqu'à ce qu'ils meurent au travail ? Et ils ont choisi cette option-là. Oui, ils ont choisi cette option-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, tu sais pas, il y avait peut-être un chronomètre aussi. Hein, et ils ont fait cette décision-là, ils ont dû aller avec. Ouais, les employés s'en souviendront. Merci. Très bien. Voilà. Bon, bah, c'est bon. On a fait notre petit moment syndicalisme. Non, mais par contre, blague à part, c'est vrai que ça a causé tout un tas d'autres problèmes à Telltale. Parce que, bon, on le sait, ils ont fermé, donc c'était en 2018. Ils ont fermé spontanément du jour au lendemain. On a vu sur Twitter le matin en mode des gens en mode catastrophe, du genre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et quelques heures plus tard, ils étaient tous en train de chercher du boulot ailleurs parce qu'on leur a dit, bah, vous prenez vos affaires, vous vous cassez. Les indemnités, licenciements, ouais, vous les oubliez. Zéro. Ils ont rien eu du tout. Parce qu'on n'a pas expliqué, mais en fait, ils sont complètement. Ils ont perdu toute trésorerie, c'est-à-dire que les licences se vendaient de moins en moins bien, il n'y en a aucune qui a réussi à trouver le succès de The Walking Dead, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même 400 personnes dans la baie de San Francisco pour faire tourner tout ce petit modèle-là, il y a ce qu'on appelle un burn rate, hein, c'est-à-dire vraiment l'argent qu'on dépense tous les mois pour entretenir ce truc-là. Voilà, avec le chiffre magique, on avait fait le calcul, c'est 10 000 dollars par personne par mois, et donc vous êtes 400, ça fait 4 millions par mois. Donc évidemment, il faut quand même avoir les reins solides pour les sortir, et ils ont tout brûlé, quoi, ils ont tout cramé, et ça ne rentrait pas en fait en face, quoi. Ils ne vendaient pas assez pour entretenir ce truc. Et non seulement donc, il y avait tout cet investissement en jeu, et puis comme on l'a dit, tu vois, il y avait du crunch, du coup ça crunchait à mort, puisque tu fait un nouvel épisode tous les quelques mois, il n'arrêtait jamais de bosser et il faisait des semaines de, t'en as une qui faisait, je sais plus, 70 ou 80 heures. Oui, 80, 90, 90 heures, donc ce qui est quand même pas mal. Hein. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'y avait aucune perspective où tu sentais que ça allait s'arrêter, en fait, parce que les mecs, ils continuent d'en faire de plus en plus, de grossir, ils sont juste de plus en plus à cruncher, quoi, donc ça devient un petit peu complètement ridicule. T'avais aussi le départ de pas mal de créatifs, hein, donc les fameux Venaman et Rodkin, eux, ils sont partis très tôt, quand l'épisode 1 est sorti, en gros, ils sont partis fonder. La saison 1, oui, pardon, Walking Dead saison 1, ouais. Voilà, ils sont partis au début du développement de la saison 2, ils sont partis cofonder Campo Santo, hein, qu'on fait Firewatch depuis, donc voilà, les mecs sont toujours à faire des succès visiblement, mais il y avait d'autres noms que voilà, j'ai un petit peu oublié, mais je les connais plus, t'as les gens qui sont partis à Ubisoft par-ci par-là, enfin bref, il y a un rythme qui a fait que les créatifs se barraient parce qu'ils en avaient un petit peu marre d'un côté des conditions de travail, et puis aussi, comme on disait, c'était beaucoup moins créatif et beaucoup plus industriel, là c'était vraiment la direction qu'elle et prendre des décisions quant au jeu, et c'était pas rare de voir des modifications de dernière minute aussi, il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient un petit peu de bugs, d'affichage, de choses comme ça. En fait, c'est juste qu'avec le rythme effréné, c'est littéralement les cinématiques, ils les bouclaient juste avant que ça puisse sortir, ils pouvaient pas faire autrement. Quoi. Ouais, c'est ça, ils étaient vraiment en flux tendu, donc en plus, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Game of Thrones, mais comme ils utilisaient plein de licences, ils étaient obligés de répondre à des ayants droit avec des contraintes très différentes, et à un moment donné, ils se sont retrouvés à parler avec Disney, donc je sais pas si vous avez entendu parler cette petite start-up qui domine le monde aujourd'hui, mais du coup quand ils ont commencé à faire des trucs comme les Gardiens de la Galaxie, c'est pas la même chose que de faire les personnages de The Walking Dead ou de Borderlands, donc il y a des conditions, il faut que les personnages ils aient une personnalité, il faut qu'ils aient, je sais pas, tu vois, ils vont avoir des gimmicks, ils vont avoir des fringues, ils vont avoir des machins, donc ça demande de faire de la modélisation qui colle, ça demande aussi des allers-retours, parce qu'il faut qu'il y ait une validation, hein. Tu bosses pas sur une licence sans que l'ayant droit vérifie ce qui se passe, enfin ça se voit quasiment jamais, ce genre de confiance. Et donc, dans l'espace de 3 mois, il faut que tu crées des nouveaux personnages, il faut que tu fasses des assets dans tous les sens, il faut que tu écrives des dialogues, il faut que ça colle à l'univers que tu as acheté, parce que ça coûte un bras de payer les droits d'utilisation d'une licence. Et donc, peu importe le métier dans lequel tu te trouvais chez Telltale, tu avais tout le temps du boulot. C'est-à-dire que tu avais fini, je sais pas si c'était celui qui s'occupait de faire les barrières ou de celui qui faisait les modèles 3D, ça tombe bien, il y avait d'autres modèles 3D à faire sur 4 autres jeux à suivre. Donc, effectivement, tu n'avais aucune perspective de, à un moment donné, je vais pouvoir respirer. C'était jamais le cas. Et surtout, il y avait ce problème aussi aussi forcément du côté marché, hein, du côté joueur, il y avait cette lassitude dont tu parlais, parce que forcément, bah, le fait que la formule, le fait que le marché soit complètement inondé, voilà, au bout de 2-3 ans, la formule telle, on la connaissait, hein, c'était vraiment quelque chose qu'on avait tous assimilé, hein, vraiment, enfin, je sais que nous, dans nos premiers épisodes de GND, il y a une blague avec Marcel s'en souviendra, ou un truc comme ça, enfin, c'est des choses qu'on avait déjà repris, qui faisaient vraiment partie de la culture vidéoludique, et en fait, comme ils crunchaient tout le temps, comme ils étaient tout le temps en flux tendu, en fait, créativement, ils étaient vraiment paralysés, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps de se remettre en question pour justement essayer de faire évoluer cette formule. Et ça aussi, ça a causé les deux mois de vente parce que la confiance envers les productions telles, bah, elle s'était un peu perdue. Les gens se disaient, bon, bah oui, c'est bon, j'en ai fait 3-4, stop, quoi. Bah, en fait, comme on le disait, c'est que les choix, ils reposent beaucoup sur l'illusion, ce qui n'est pas une critique en soi, hein. C'est vraiment illusion au sens, je sais pas, comme quand tu vas voir un spectacle de magie, bah, t'es là, de toute façon, pour avoir des illusions, tu vois. Si les sentiments sont réels. C'est pas vrai. Non, elle a toujours sa tête, la femme coupée. Aïe. Et si les sentiments sont réels, en fait, l'illusion, elle est justifiée. Ça, c'est un contrat que tu passes, de toute façon, ouais. en tant que joueur. Ensuite, les gens le vivent. Plus ou moins bien, ça dépend une fois que t'apprends le pot aux roses. Mais à partir du moment où ta proposition elle repose justement sur cette illusion, mais si t'en fais deux par an, en fait, il y a un moment, forcément, tu te dis non, mais laissez-moi sortir de ce spectacle de magie, j'en peux plus. Quoi. Et oui, effectivement, il y avait cette lassitude, et bah, du coup, bah, ça se ressent dans les ventes. Et en fait, ils étaient vraiment embourbés, c'est-à-dire qu'ils étaient embourbés dans leurs propres ambitions dévorantes. Et ils n'ont vraiment pas réussi à en sortir. Donc en 2017, il y a eu un gros licenciement déjà d'un quart des employés, puisqu'ils sont passés de 400 à 300. Et jusqu'en 2018, où là vraiment ils ont dit bah, bonjour les gars, prenez vos petits cartons là, il y a marqué Jenny dessus, tu récupères et tu ouais, vous mettez les petits pots de fleurs, la photo de votre famille vraiment, que vous n'avez pas vue depuis 6 mois, hein, parce que vous dormez sous votre bureau, et vous retournez à la maison et vous avez vos yeux pour pleurer. Et ça a vraiment été une. Pas une catastrophe industrielle, mais en tout cas, ça a eu une vraie résonance en fait dans le monde public. C'est-à-dire que ça aurait pu rester dans les sphères de l'industrie, mais on en a beaucoup entendu parler de ce moment-là, parce que oui, nous aussi, surtout sur Twitter, on voyait tous ces gens qui disaient bah, je cherche du taf. Il y avait aussi d'autres studios qui se portaient un petit peu volontaires pour dire bah voilà, regardez, on a besoin de telle ou telle personne, venez si vous savez faire ça. Et puis voilà, ça a été vraiment, je pense, une affaire qui a cristallisé plein de vice, hein, un petit peu de l'industrie, tu vois, c'est vraiment une histoire de l'industrie, c'est un studio qui a réussi à un moment à trouver vraiment une formule magique et puis qui s'est dit bah je vais l'exploiter jusqu'au bout et ils se sont volés les ailes, quoi. C'est ça ce que j'allais dire, c'est l'histoire d'Icar, quoi. Ils sont montés trop haut, ouais. Et puis à force de tout cramer, bah en fait après il y avait plus que du sol et ils ont fini par casser la gueule, quoi. Ce qui est intéressant à noter, c'est que effectivement quand c'est sorti l'affaire Telltale, c'était pas la première fois qu'on entendait parler de crunch, hein. Il y avait le fameux bouquin Blood Sweat and Pixels de Jason Schreier qui a mis beaucoup l'accent sur ça. La réalité de l'industrie, c'est que de tout temps, dans quasiment tous les métiers créatifs, on presse les gens jusqu'à plus savoir quoi en faire. Demandez aux gens qui travaillent sur les effets spéciaux ou les dessins animés ou l'animation chez Disney, etc., leurs conditions de travail. Vous allez voir que dans le jeu vidéo, bah, c'est les mêmes combats, hein. Donc toujours des travails qui sont très très difficiles, qui sont des conditions de travail parfois horribles. Mais il y a quand même eu une espèce de prise de conscience dans le grand public, dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, tu vois, le mot crunch, ça y est, c'est devenu quelque chose de négatif. Ouais. C'est devenu difficile. Tu peux dire, bah nous, voilà, on va prendre du retard. Je pense notamment, il y avait un jeu qu'il avait fait il y a quelques temps et tout le monde l'avait super bien accueilli en disant, voilà, on veut pas se cramer, on préfère prendre 6 mois de retard. Enfin, voilà, j'avais un exemple de studio qui avait beaucoup communiqué là-dessus en disant, on va reprendre un peu de recul, on préfère prendre notre temps et faire un bon jeu plutôt que de se tuer à la tâche. Et tout le monde avait dit, oui, bah maintenant. Il y a eu une éducation qui est vraiment, enfin, le petit baromètre, là, il est vraiment en train de passer de l'autre côté. Et effectivement, moi, je me souviens, même une fois, j'avais réagi sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il y a de plus en plus de gens, quand même, qui prennent les choses avec bienveillance et dire, on sait pourquoi vous allez prendre du délai, on sait que vous avez besoin, prenez le temps, take your time. Et c'est vraiment, bah, je crois que c'était même aussi pour The Last of Us 2, parce qu'on sait que chez Naughty Dog aussi, c'est bien des. c'est des forces. Et du coup, je pense qu'il y a de plus en plus dans le public, voilà, je pense que c'est très bien, hein, vraiment, qu'on renvoie cette image-là, d'ailleurs, au studio, en leur disant que, nous, c'est bon, ok, tu vois, prenez le temps, voilà, s'il faut prendre le temps... Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de... Alors, ça va prendre du temps, hein, bien sûr, à changer. Moi, je suis toujours très content de voir les gens qui s'indignent sur ça, mais ça fait des dizaines d'années que c'est des gens qui, à leur époque, quand ils avaient 20 ans, ils crunchaient, quand ils sont devenus patrons, ils disaient aux gens de cruncher, enfin, tu changes pas des habitudes comme ça du jour au lendemain, mais par contre, le fait que les gens, aujourd'hui, en soient conscients, ça permet tout un tas de choses que je trouve extrêmement extrêmement intéressante. C'est-à-dire que bah déjà, les gens, ils sont un peu plus conscients aujourd'hui de la difficulté du métier. C'est-à-dire de se dire, bah, créer un jeu vidéo, c'est compliqué, c'est très risqué, ça coûte extrêmement beaucoup d'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une pression pour rendre le jeu le plus vite possible. Mais bah, des fois, et on préfère prendre un peu plus de temps pour être sûr d'en vendre suffisamment et plutôt que de perdre complètement tout l'investissement original. Donc c'est évidemment pour les gens qui sont à la tête de ces équipes-là, c'est des casse-têtes permanents de production, de staffing, combien j'ai besoin de gens à tel moment, est-ce que je dois embaucher, est-ce que je dois virer des gens, etc. On le sait, voilà, quand tu bosses dans le jeu vidéo, ça reste des métiers précaires dans le sens où quand un projet se termine, s'il n'y en a pas un autre juste derrière, en général tu te fais virer et tu vas aller bosser dans une autre boîte. Donc il y a tout un tas de villes, tu vois, là tu parlais de San Francisco, mais je sais par exemple qu'au Québec, il y a tout un cercle vertueux, ouais, entre guillemets, qui s'est formé à Montréal, etc. Où bon, bah, Ubisoft a fini son projet, tu te fais virer, tu vas chez Eidos, ensuite tu vas aller chez EA, après tu vas aller chez machin. Enfin, en gros, voilà, tu vas pouvoir bosser dans l'industrie, mais tu vas le faire pendant combien d'années ? Et ça, c'est un truc qu'on a vu également ressortir avec les histoires de Crunch, c'est le fait que les gens qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo ne le font qu'à jusqu'à un certain âge. Tu vois, c'est comme si c'était des footballeurs passés 30 ans, ouais, on leur dit c'est ça, foutu, ouais. Ton ménisque il va plier et plus jamais tu feras autre chose, quoi. Bah, c'est la réalité aussi de la vie en entreprise où tu vois que les intérêts sont pas forcément les mêmes, hein, en fonction de la direction ou des employés. Là, on parlait d'Icar qui se brûle les ailes, c'était les employés qui prenaient les risques, mais malgré eux, tu vois, parce qu'on rappelle, c'est quand même 300 personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans indemnité de licenciement et au chômage. C'est des situations qui sont très difficiles. Ils étaient pas au courant, ils l'ont vraiment pas vu venir. T'en as qui ont pu contracter des emprunts, qui allaient déménager. Enfin, ça te tombe sur la gueule comme ça. Ça peut te dégoûter complètement de l'industrie. On a du mal à évaluer aussi à long terme à quel point c'est potentiellement ça fragilise vraiment toute l'industrie et ça dessert à tout le monde, puisque d'un point de vue purement pragmatique, ça c'est de la gestion de projet, tu vois, de te dire bon bah j'ai besoin de tant de personnes à tel moment, et une fois que c'est fini je les vire tous et je m'en fous, j'en réembaucherai d'autres. Ça peut se jouer comme ça, mais à long terme tu te dis si c'est des gens qui sont épuisés, qui se barrent dans l'industrie, voilà, à long terme tes projets tu gardes pas les talents aussi, tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un bon turnover, donc t'as toujours des jeunes loups et des jeunes louvettes, hein, pour des jeunes loups pour pouvoir faire le travail, mais tu ne gardes pas les talents et surtout tu gardes pas forcément l'expérience, et pour moi ça c'est aussi le problème de la gestion de projet. En fait, si tu n'as pas des gens qui sont capables de te faire un feedback sur dire combien de temps on a besoin de faire ça, des gens qui ont une expertise sur leur manière de travailler, surtout en plus dans une industrie créative et qui demande autant d'innovation que le jeu vidéo, parce que c'est tout le temps une constante remise en question, et d'ailleurs ça a été le problème de Telltale, c'est qu'ils ne se sont pas remis en question et qu'ils ont vraiment été trop gourmands. Forcément tu peux pas, c'est difficile de survivre, quoi. Et dans le documentaire Noclip, t'avais le témoignage d'une fille qui était relation presse, et elle disait, donc elle a vécu une expérience, bah elle, c'est un peu traumatisant, tu vois, pour elle d'être virée comme ça du jour au lendemain sans être derrière. Elle fait des crises d'angoisse, tu vois, depuis, donc faut se dire aussi, tu réinjectes des gens comme ça, un petit peu traumatisés dans le tissu économique. Enfin, ouais, c'est un peu Darkest Dungeon. Hein. c'est vrai que c'est triste, mais tu vois, en t'entendant le dire, j'y pense, ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ton équipe, tu l'as amené au bout, ok, ils ont réussi, mais dans quel état, tu vois, à quel prix tu les as amenés là. Le manque d'expérience dans le jeu vidéo, c'est un véritable problème aujourd'hui. Il y a tout un tas de studios qui ont vraiment beaucoup de mal à conserver des gens seniors. Hein, le principe de junior et de senior dans l'entreprise du jeu vidéo, ça veut dire quelque chose, parce que la différence entre une personne qui a sorti un jeu et une personne qui n'en a pas sorti, elle est gigantesque. Et il y a tout un tas de projets récents, même parmi les AAA. Tu vois, c'est pas parce que t'as un gros studio, coucou BioWare, avec un nom, avec une aura, mais le problème c'est que quand tous les gens qui étaient expérimentés de ta boîte, tu vois, pas une ou deux personnes, mais des dizaines de personnes qui avaient plus de 35, 40 ans, qui avaient déjà fait des tonnes de jeux avant, ils sont plus là. Ils ont plus toutes les petites astuces, tu vois, toutes les petites techniques, ils ont pas cette espèce de prise de recul en se disant, oui, là on galère, la lucidité, quoi. Bref, toute cette expérience qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'amener sur la table, et donc beau t'appeler BioWare, si tous les gens que t'as, alors j'ai rien contre les jeunes, hein, parce que c'est pas le cas, c'est pas ça que j'essaye de dire, c'est tous les gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ben, même si t'en as un qui est chef, ben, lui il a pas fait de jeu, donc qu'est-ce que tu vas faire? Il va pas imaginer cette expérience qu'il est en train d'acquérir. Oui, parce que pour là tu mentionnais BioWare, et on parlait un petit peu des témoignages de plus en plus courant maintenant dans le discours public. Moi je me souviens, là ces dernières années on a pu lire des papiers sur le crunch et les conditions de travail, donc chez Rockstar pour Red Dead Redemption 2, chez BioWare pour Anthem, chez CD Projekt avec The Witcher, ouais, Epic Games chez Fortnite aussi, oui, donc ouais. Très souvent c'est Kotaku et Schreier, et je me souviens chez BioWare ce qui était vraiment marquant, c'était t'avais le concept un peu de stress leave, donc le départ de stress, quoi, où des gens, tu vois, donc t'avais des témoignages déjà des gens ils sentaient que le projet, ils allaient être incapables de tenir tous les délais qu'on leur mettait. Donc t'en as qui s'isolaient juste pour se mettre à chialer à leur bureau, et sinon t'en as qui étaient tellement stressés, ils allaient juste partir une semaine un peu en burn-out et ils revenaient jamais. En fait, je vais chercher des cigarettes. Ouais, mais c'est ça, ils devaient se reposer pendant, je sais pas, genre une semaine, et ils revenaient jamais. Et c'était des stressives, et c'était courant, c'était commun. Oui, mais c'est ça en fait qui s'est passé. Là, c'est vrai que ces dernières années, alors on a beaucoup parlé dans cet épisode, parce qu'on avait prévu sur notre conducteur de parler un peu de l'histoire de Telltale et de la tragédie de ça, parce que ça nous permet vraiment de mettre en lumière tous ces travers dans l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui nous écoute qui doit être de plus en plus conscient. Bah, c'est tant mieux, en fait, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que, effectivement, la seule solution pour ça, c'est surtout pas le boycott des jeux, parce que ça, il n'y a rien de plus anti-productif que de ne pas aller chercher les jeux qui vous intéressent. La plupart des développeurs, en général, quand on leur demande, c'est pas la réponse qui demande, c'est de soutenir plutôt de soutenir la parole, de relayer les trucs, et non pas boycotter les jeux. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais du coup, c'est vrai qu'en termes de résultats, il vaut mieux encourager les gens à prendre du temps et à essayer d'envoyer des messages à la direction. Tu vois, si demain il y a 40 ou 50 000 personnes qui envoient un tweet à la CM de Rockstar, ou même à Neil Druckmann quand il tweet son truc, ou quoi que ce soit, en leur disant prends ton temps, ben peut-être que derrière les types ils peuvent aller voir ça et montrer aux exécutifs, aux chefs, leur dire bah regardez, les gens ils nous comprennent, est-ce qu'on peut pas prendre encore un mois supplémentaire, on a les fonds, tu vois. Quand t'es une boîte où effectivement t'as une trésorerie qui est en flux tendu et que c'est très compliqué comme tel, c'était pas forcément quelque chose qui était possible, mais des gens comme Ubisoft, des gens comme Sony, PlayStation, etc., ils les ont, les finances. Si ça leur permet de garantir derrière une bonne vente et surtout de garder une bonne image auprès des studios, tu vois, là, je pense à Blizzard en ce moment qui est en train de grogner petit à petit leur image de marque qu'ils ont passé des années à construire. C'est vraiment dommage parce qu'il va leur falloir du temps pour reconstruire ça. Et je pense que toutes les entreprises, elles sont conscientes que l'image de marque, c'est quelque chose qui se détruit très vite et qui met du temps à se construire. La confiance, c'est un truc qui est difficile. Donc, quand les studios, ils disent, on a besoin de temps, encouragez-les, quoi. Voilà. Il y a pas une... Même si vous êtes dégoûté parce que vous aviez posé une semaine de vacances pour FF7 Remake, décalez votre semaine de vacances, essayez de vous arranger avec José de la compta pour voir si vous pouvez pas faire autrement. Non, mais parce que moi je me souviens pour le retard de FF7, il y avait plein de gens qui avaient dit mais j'avais posé une semaine de vacances, c'est scandaleux. Oui, mais les gens ils sont en train de mourir au travail, est-ce que ça mérite ta semaine de loisir à toi, est-ce que tu peux la mettre en partage, en parallèle avec surtout ça, quand tu gueules sur un réseau, la personne qui lit ça en fait c'est le ou la community manager, et c'est enfin la direction, pas tant que ça en fait, elle aura un résumé, mais disons que les insultes et tout c'est pas eux qui les lisent, donc il y a aussi cette réalité là. Et sinon en alternative, au-delà d'éventuellement du pouvoir consommateur et de la relation avec l'image de marque, t'as des contre-pouvoirs qui essaient de s'installer, c'est notamment les syndicats. C'est des conversations qu'on entend de plus en plus avec les Workers Unite, ou en France t'as le STJV qui du coup n'est ni un syndicat des éditeurs ni un syndicat des patrons comme le SNJV, là c'est le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, qui justement on disait que les intérêts vont diverger en fonction de la direction et des employés. Et à un moment, tu vois, forcément, quand t'as des entreprises bénéficiaires, donc comme là, c'est ce que vous citiez, Activision Blizzard, qui vire 800 personnes, alors que, niveau résultat, ça se passe pas si mal que ça. La solution, effectivement, elle se trouve peut-être plutôt chez les syndicats, et dans le constat de peut-être que se dire que si ton jeu, t'es pas capable, en fait, de le sortir sans exploiter des gens qui vont quitter l'industrie, le jeu, il mérite peut-être pas de sortir. Peut-être que le modèle économique, au final, il est pas bon, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre, en fait. Hein. Tu vois, parallèlement, il y a deux choses à retenir, je pense, de Walking Dead. C'est le fait qu'ils aient réussi à revitaliser le point and click en le débarrassant de quelques mécaniques un peu archaïques et en réussissant à vraiment bien intégrer la narration avec un très bon rythme, etc. Et des personnages bien écrits. Et de l'autre côté, l'idée qu'effectivement, on peut peut-être commencer à réfléchir tous collectivement, tu vois, à se dire, peut-être que le jeu vidéo, il doit changer, parce que sinon, au bout d'un moment, à force de dégoûter les gamins, je pense que ça durera qu'un temps de faire miroiter des folies aux gens qui sont en école actuellement. Eux, ils le savent aujourd'hui, je pense qu'ils en sont conscients, ils l'apprennent de plus en plus, donc tu te dis je vais à l'abattoir, tu vois, c'est... Non mais pour revenir à Telltale, c'est vrai que c'est une triste histoire, parce qu'à la base c'est un succès, tu vois, c'est vraiment The Walking Dead, ils ont trouvé un truc, ils ont réussi à créer quelque chose, et vraiment se griller comme ça, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, il en reste des petits trémanescences. Hein. Il y a Life is Strange, hein, par exemple. Hein. C'est aussi, c'est quand même un jeu qui doit beaucoup à la recette Telltale. Ouais. Hein, je pense qu'on peut le dire. Il va quand même avoir le studio a été refondé entre guillemets. Elle a été le nom a été racheté. Il y a encore de l'argent qui a été remis un peu dedans. Il y a The Wolf Among Us 2 qui devrait sortir. Je crois qu'il y a les Batman encore qui devraient a priori exister. Ouais, a priori, ils continuent. travailler sur les ça. Les Walking Dead, finalement, le dernier qui est sorti, rappartient aussi à ce petit groupuscule. Ouais. Ah non, c'est Skypoint. En fait, ouais, c'est ça, le, juste donc pour l'anecdote, au moment où Telltale a fermé, donc fin 2018, ils étaient vraiment à la fin de la dernière saison de The Walking Dead, c'était en train d'enregistrer les dernières voice lines et tout. Du coup, les ayants droit ont mis au point une petite équipe d'anciens de Telltale, ont mis en place un budget pour juste terminer cet épisode-là. Ils étaient, je crois, une trentaine, si je dis pas de bêtises. Et le jeu a pu sortir, malgré la fermeture du studio. Et ouais, c'est Skybound, je crois. Donc, là, peut-être la maison de Kirkman, qui est le créateur du comics Walking Dead. En tout cas, je crois qu'il était aussi lié au projet. Ils ont pu sortir ça sur Epic Games. Ouais. Et du coup, bah, y a une fin. Alors, c'est rigolo, parce que moi, j'ai l'épisode 1 et j'ai l'épisode. Enfin, j'ai la saison 1 et la saison 4. J'ai pas joué à saison 2 et 3. J'ai été regarder ça sur YouTube et Wikipédia. Mais la saison 4, si vous l'avez pas fait parce que vous aviez essayé, moi je vous invite vraiment à lui donner sa chance, parce qu'en termes de visuel ils ont fait un step up énorme. Vraiment, le jeu est beaucoup plus joli, il colle beaucoup plus à l'imaginaire qu'on peut se faire d'un comics au niveau des choix esthétiques, etc. Et même en termes de gameplay, il y a eu une grosse évolution, parce que là ils se sont vraiment totalement débarrassés des derniers oripeaux de Point & Click qui pouvaient leur rester. On est caméra à l'épaule, il y a des moments où on est quasiment pas dans de l'action à la The Last of Us, mais pas loin en fait, parce qu'on a vraiment des combats, on a des trucs comme ça, et on suit du coup Clémentine qui a continué de grandir et qui c'est à son tour à elle de s'occuper d'un petit gamin qui s'appelle AJ, et voilà, et du coup il y a toute une conclusion assez tragique quand même à l'histoire de The Walking Dead. Tu sais que ça va pas se finir bien, mais du coup c'est cool de voir l'évolution de ce personnage là et de voir jusqu'où tu vas pouvoir l'amener, quoi. Ouais, ils ont vraiment donné une naissance à une saga importante du jeu vidéo, et malgré et quoi qu'il arrive, de toute façon le Telltale aura marqué le jeu vidéo, tu vois, vraiment dans les années 2010. Telltale c'était un truc, tu vois, et quand on parlait de Telltale on savait tous à quoi instantanément, et ça malgré tout c'est quand même une petite prouesse, tu vois, ils ont laissé leur pierre et on sait à quoi elle correspond. C'était une formule, alors oui, elle a ses faiblesses, et forcément en étant répété ad nauseam comme ça, forcément, mais ils ont réussi à marquer le jeu vidéo et à raconter des trucs, et c'est déjà pas mal quand même malgré tout. Ouais, ben finalement c'est ça, c'est-à-dire que là on a un poil plus de recul, bon c'est encore assez frais cette histoire de licenciement, donc c'est pour ça je pense qu'on y passe beaucoup de temps, mais c'est sûr que je pense que dans quelques années on se dira juste bon bah Telltale, ok, il y avait eu la fin tragique, mais ils ont vraiment apporté un truc, ils ont commencé à amorcer le shift du jeu vidéo moderne des années 2010 à 2020, comme on a déjà pu le mentionner dans l'émission, où il y a vraiment une prise de conscience sur la narration, sur les types de personnages, sur des personnages plus divers, etc. Et du coup, bah, je pense qu'effectivement, ça fait partie de ces jeux assez importants, qu'on montrait que on pouvait faire des choses avec peut-être moins de gameplay, plus d'histoire, enfin tu vois, qu'on pouvait jouer avec les curseurs. Des trucs un peu hybrides, tout à fait. C'est juste des, y a des potards, on peut pas tout mettre exactement de la même manière. Ça reste du jeu vidéo dans un cas, comme dans un autre, et ça permet de montrer peut-être à d'autres au studio plus tard comment on peut faire comment on pourrait raconter des histoires en s'inspirant soit du Point & Click soit en adaptant une série, etc., etc. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, moi c'était super, moi je l'ai découvert là il y a quelques semaines, on l'a découvert en même temps, donc c'était sympa de jouer, et puis effectivement voilà, c'est cool je pense, parce que c'est un jeu qui représente bien aussi une partie du jeu vidéo des années 2010, et je pense que pour le comprendre c'est toujours bien d'avoir ces grosses références, au moins d'y avoir mis un peu les doigts pour comprendre c'était quoi le phénomène Telltale. Voilà, si vous jouez, vous pouvez vous contenter de The Walking Dead et vous en faites un autre, et a priori vous aurez à peu près compris à quoi ça correspond. De ce que j'en avais lu à l'époque, a priori les épisodes Borderlands étaient très cool, ils respectent bien l'univers, donc comme je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de fans et que là du coup ils réclament souvent du lore, là vous en avez à foison, donc profitez-en. C'était vraiment telle grandeur et décadence, tu vois, c'est vraiment le ça représente bien à la fois ce qu'il y a de très bon dans le jeu vidéo, tu vois, le super succès qui sort de nulle part, et le pire du jeu vidéo avec des problèmes de management et de gestion des équipes. Tout à fait. Eh bien, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez, pas qu'on se crame les ailes, si vous voulez que nous, on puisse continuer à si faire vous notre voulez émission. Un épisode par semaine avec 8 un personnes. Un épisode par jour. Voilà, mais ça, c'est vrai, on peut le dire aux gens. Nous, on y avait réfléchi, on s'était dit, est-ce qu'il faut faire un épisode par semaine ? Et on sait très bien qu'on ne pourrait pas tenir. Qu'on va se cramer à faire ça. Ce déjà, là, on a pas dû réenregistrer. Voilà, déjà, deux semaines, là, voilà, c'est vraiment short. Ouais, on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on fasse le jeu, donc on anticipe quand même 3-4 mois à l'avance pour avoir le temps de les faire, etc. Donc on n'a pas une énorme marge de manœuvre, un problème technique ça nous met un peu dedans, donc voilà, c'est vrai que si vous voulez nous aider, nous soutenir, nous ça nous permettrait d'être beaucoup plus serein et de se dire bon oui, des fois on aura des couacs comme ça, et c'est pas grave, de pouvoir se permettre de faire ce qu'on est en train de faire, et c'est vraiment grâce à vous, parce que là si on n'avait pas ça, ce serait vraiment beaucoup plus lourd à porter, alors que là on sait qu'on a on a ce soutien, et du coup on dit bon voilà, ça vaut le coup de se prendre encore le temps. Moi je suis revenu, j'ai repris le bus. On a pris le sandwich, bim, bam, boum, on est reparti pour l'épisode. Donc voilà. Merci beaucoup de nous soutenir sur Patreon. Merci également à Sœurs d'édition qui nous font confiance et qui nous soutiennent là depuis bientôt un an. Donc voilà, merci à eux. Allez voir leur nouveauté sur la page Twitter. Hein. Là, il y a eu un gros fil, hein, plein de petites annonces qui sont arrivées. Il va y avoir plein de choses qui vont sortir, et notamment le livre sur Peter Molyneux. Et puis voilà, nous on se retrouve logiquement dans deux semaines si on n'est pas cramé d'ici là. Normalement, ça devrait aller. Hein. Ça devrait bien se passer, ouais. On fait attention. Et ben voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fin du Game. Salut. Ciao.